Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. HongKongStyle. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashpoint, le 7e. Alors donc je suis avec Vinch Salut, salut. et Spectra. Salut tout le monde. Vous allez bien les gars? Ça va Ça va super. tranquille et toi? Ouais, ça va impeccable hein. On voulait remercier tout le monde du fait que en 6 mois on a triplé la fréquentation du podcast. On est pas parti de 200 pour le premier à peu près, et là on est un peu plus de 600, donc merci à tous hein. C'est super cool. Yep, merci beaucoup. On vous remercie du fond du cœur. Ouais, ça a l'air de vous toucher, quoi. Ben ouais, grave, attends. Ça fait plaisir, sérieux, d'avoir autant de personnes qui nous écoutent. Alors qu'au début, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais, c'est on disait, clair il y a que. 12 mecs qui vont nous écouter. Ouais. Mais franchement, même moi à 50, ça aurait été une victoire, quoi. Et là, ouais, franchement, c'est vrai que c'est hallucinant. Franchement, c'est cool. Bon, on va commencer donc avec les news cinéma, donc avec la photo qui a fait le tour d'internet, là. Donc la photo de Jason Momoa en Aquaman. Alors donc la photo elle est un peu on va dire c'est pas très coloré, c'est encore gris, il y a pas mal de gens qui se plaignent que voilà que ça manque de couleur, un peu comme pour Superman et pour Wonder Woman juste avant. Et sur la photo donc il y a marqué Unite the Seven. Alors qu'en avez-vous pensé? Je suis toujours pas convaincu. Hein. Je trouvais ça fait très Khal Drogo quoi, avec des épaulettes en plus. Les tatouages, j'étais pas fan. Ça ressemble vraiment à des petits cœurs. Après, par contre, le message "Unite the Seven", ça m'a bien branché parce que au-delà des sept mers, je me demande si c'est pas justement l'idée d'unir la Justice League et à ce moment-là de faire d'Aquaman hein, une espèce de pilier. Donc, Moi je pense que bah, c'est ça ça, ouais. va. Moi je pense que Voilà. c'est ça parce que le film Batman Superman, il va arriver bien avant celui d'Aquaman. Et donc comme il était prévu, il me semble qu'il fasse des caméos de tous les membres de la Justice League dans le film. Je pense que les 7 là, c'est plus la Justice League et qu'ils vont teaser comme ça jusqu'à la sortie du film à chaque fois un nouveau personnage. Moi je pense que c'est ça. Après la photo en elle-même, moi je la trouve hyper classe, quoi. C'est pas très ressemblant avec l'Aquaman actuel, mais bon, je trouve que... Moi je m'en fous quoi, même s'il ressemble pas, je trouve que le personnage là il a grave de gueule avec les cheveux longs, la musculature, les tatouages et tout ça, moi je trouve ça impeccable. Vinch? Ouais, bah, moi j'ai trouvé la photo cool. Ça me fait un peu plus penser à l'Aquaman pré-Nouf-Titutu Ouais. qu'il y avait maintenant. Ouais, c'est vrai que maintenant il ressemble pas du tout à l'Aquaman des New 52, mais on va dire que peut-être que justement Aquaman va un peu plus ressembler à ce qu'il ressemblait avant et pas un jeune adulte de 25 ans. En tout cas, la photo est bien badass. Je trouve plus badass. Ouais. Je préfère la version cette version-là que celle qu'on a dans les comics actuels. Je trouve Aquaman qui fait plus badass, plus mature, quoi. On continue sur le cinéma avec donc du casting toujours pour Suicide Squad. Ouais, avec la présence de J. Hernandez du coup qui pourrait jouer dans le film. Acteur connu pour des rôles dans Hostel et World Trade Center. Acteur que je connais pas du tout du coup. Pareil. Exactement pareil. Bah, on ne sait pas encore quel rôle. Vinch, c'est des Ouais. films que tu as vus? Non, pas du tout. World Center, j'avais jamais regardé. Et Hostel non plus. Je connais deux noms, mais ça ne m'a jamais tenté. D'accord. Toute façon, a priori, j'avais l'impression que ce serait pas spécialement pour un gros rôle non plus. Ça parlait du compagnon de cellule du Joker dans certaines rumeurs. Je n'en ai pas lu là, grand-chose là-dessus. Ouais, donc rien de. Ouais, pas. Ok. Ensuite, toujours sur Donc, Suicide Squad, hein. on a trouvé notre Rick Flag pour Suicide Squad. Donc, ce sera Ce Joel. serait, c'est pas sûr encore, hein. Comment? C'est Ouais, pas ce serait, officiel, ouais. c'est encore des rumeurs. C'est vrai que c'est pas officiel, mais bon, il semblerait. Ouais. En même temps, j'espère que ça va se confirmer parce que voilà, donc ce serait Joel Kinnaman qui jouerait le rôle. Donc il a joué lui dans Robocop et The Killing US, La version précisé. US, ouais. Maintenant, ouais, j'espère que ça va être lui ou alors qu'ils vont vraiment trouver le gars, mais hyper rapidement parce que ça commence à être short niveau timing là. Après cet acteur Robocop, je l'ai pas vu, et The Killing, j'ai vu la version danoise, donc je sais pas ce qu'il vaut cet acteur. J'ai vu aucun des deux non plus. Mais en même temps, Rick Flag, je pense pas qu'il aura un rôle aussi important que ce qu'il laissait penser au début. Enfin, j'ai des doutes. Toi, Spectra, tu connais cet acteur ou Non, j'ai pas voulu voir Robocop parce que pour moi c'était une hérésie. Mais The Killing, j'ai pas vu la version US, donc du coup, je sais pas. Je trouve qu'il a une bonne gueule quand même cet acteur, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est pas Tom Hardy, hein, c'est clair, mais bon. Ça me déplaît pas. Ouais. Bon, on verra bien. Alors, on va passer aux news séries télé, donc, avec là le gros truc qui est tombé hier, en fait, quoi. Comme quoi, il y aurait une nouvelle série sur la CW de super-héros, mais cette fois-ci, ce serait donc un groupe. Et donc, dans le groupe, il prendrait comme acteur Brandon Routh, donc Atom, Victor Garber qui joue le professeur Stein et la moitié de Firestorm, Wentworth Miller qui joue Captain Cold et Katie Lott qui joue Sarah. Bon, là, on va un peu spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la troisième saison d'Arrow, coupez pendant 15-20 secondes. Donc, vu que Sarah est morte, on ne sait pas si elle reprendrait le rôle de Sarah ou si elle jouerait un autre personnage. Et suite à ça, ils ont dit qu'ils rajouteraient également trois autres super-héros qui ont pas encore, qui jusque-là n'ont pas été présents dans les séries Arrow et Flash. Et apparemment, la série elle pourrait débarquer à la mi-saison prochaine sans pilote directement en série, quoi. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est pas mal, hein. Toujours plus de CW. Non, franchement, Arrow, je trouve, enfin, ça s'est bien dressé. J'aime bien Flash, je trouve ça toujours aussi kiffant. Donc, une troisième série avec Atom en plus, pourquoi pas. Moi, j'ai peur que ça fasse doublon avec la série Teen Titans quand même Ouais, bah, sur TNT. ça. Je me demande bien ce que Captain Cold irait foutre avec Sarah et avec Iron Atom. Et en plus, ouais, enfin, je sais pas. Enfin, j'ai hâte d'en savoir plus parce que là, c'est des rumeurs et tout. Mais ça me paraît un peu bancal. Enfin, l'équipe me paraît un peu bancale ensemble. Je vois pas très bien ce qu'ils feraient ensemble. Bah là, Maintenant, ça peut être regarde. intéressant pour introduire plus de personnages et pour faire une série time-up, ce serait peut-être intéressant, ouais. Bah là, Cold, il est entre guillemets gentil dans la Justice League, dans les comics. Donc pourquoi pas, Ouais, quoi. ça dépend de son développement, vu que là, actuellement, bah, ils sont encore son développement. Il a même pas encore intégré les Rogues, ça a pas encore été créé, ils sont occupés à créer l'équipe dans Flash. Donc je trouve que ça irait quand même un peu vite de directement le mettre comme gentil. Ouais, mais il y a encore le temps, parce que là, t'as encore la fin de la saison, il y a, je crois, encore 9 épisodes de Flash, si je dis pas de conneries, et après, donc si c'est à la mi-saison, il y aura encore l'équivalent du nombre d'épisodes la saison prochaine. Donc ils ont le temps, après, je pense, de développer un... Et puis même, ils peuvent très bien faire sur la première saison la création du groupe, quoi, tu vois. Ouais, maintenant, Captain Cold, même dans les comics, je le vois pas rester longtemps de côté gentil. C'est juste parce que les Rogues, enfin, ils existent plus trop, donc. Mais, c'est mon avis perso. Pour moi, Captain Cold, ça restera quand même l'un des super-vilains de Flash. Je le vois mal rester à long terme dans la Justice League, quoi. Bah, c'est quand même une bonne manière de promouvoir les futurs films, hein, de continuer à présenter des personnages, les anciens, plus en rajoutant encore des nouveaux. Donc c'est quand même, ça permet aux gens qui connaissent pas grand-chose de les découvrir à la télé avant peut-être d'aller au cinéma. Même si les gens qui vont au cinéma, je pense qu'il y a une bonne part qui auront jamais regardé les épisodes télé quand même. Aussi, ouais. Ouais. Ensuite, après pas mal de gros casting donc sur la nouvelle série Supergirl. Et ben donc casting ouvert pour incarner Superman donc dans le pilote de la série Supergirl à venir. Ouais, c'est un casting, je crois qu'il cherchait un mec carrément baraque, je crois qu'il disait avec une bonne gueule carrée. Bon, après ils disent pas trop si c'est un caméo, ou si ce sera vraiment Superman, ou si ce sera Clark, enfin, il n'y a pas encore de grosses infos là-dessus, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Pas grand chose, moi perso, c'est enfin de ce que je dis, c'est simplement pour un caméo. On voit peut-être même pas entièrement son visage, donc déjà je suis tellement pas emballé par la série Supergirl, donc c'est pour ça que ça m'en touche une comme ça m'en touche pas l'autre. Alors je dois dire que pour le moment, j'attends de voir le pilote pour me faire une idée. Bah moi ouais, j'allais dire pareil que Vince, quoi, que ça m'en touchait une sans bouger l'autre. Mais d'un côté, j'ai envie de dire heureusement qu'il y aura Superman dans le pilote, quoi, ça pourra apporter un peu de légitimité à la série. C'est difficile une série Supergirl sans croiser au moins une fois Superman, quoi. Ouais, Ouais, ils ont c'est vrai. réussi à faire une série Gotham sans croiser jamais personne, hein. Ouais, c'est vrai. On va dire que c'est le before du before, Gotham. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, donc toujours pour Supergirl et le casting. Oui, donc Cate Grant a trouvé son actrice, donc Ally McBeal arrive, enfin Calista Flockhart, mais je pense que tout le monde la connaît plus sous le nom de Ally McBeal, Ah, c'est série clair. hyper culte ou pas des années 90. Quand j'ai vu une photo, elle a pris une gifle, hein. Ça se voit que ça fait longtemps. Hein. Ali McBeal, c'est il y a combien de temps? 10-15 ans? Ouais, 10-15 ans, c'était dans le milieu des années 90, je dirais. Enfin, 90 pour vous. C'était à l'époque d'M6, je crois. Quand c'était les premiers à passer des séries le soir, non? Si je dis pas de bêtises. Ça date, ouais. Ouais. 95, je dirais, un truc comme ça. Ah ouais. Oui, donc son rôle, donc elle jouera Cal Grant, et Cal Grant, ce sera le boss donc de Supergirl, qui sera à Kara Denver, ou Denver, je ne sais pas comment on prononce. Ouais, c'est Kara Danvers, Ouais. Supergirl, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc elle sera la co, puisque boum, je remets, donc la Alistair Flockhart sera la fondatrice de Cat & Co, donc ce serait un gigantesque empire médiatique, et donc Kara sera en quelque sorte sa secrétaire, son assistante personnelle, sa femme à tout faire. Ouais, donc on continue à Sans barder à recycler quoi ça. quoi. Le truc de casting là, je crois que c'est David Rappaport, il aime bien recycler des vieux acteurs qui font plus grand chose, hein, je crois. On en reviendra après avec Oui, encore d'autres, mais c'est bosseur. vrai que. Voilà. Après, donc ils ont aussi rajouté donc Rick Schiller Leg. Donc c'est pas la meuf qui jouait dans Grey's Anatomy? Ah, si, si, si, dans Sex Academy. Non, mais dans Grey's Anatomy aussi, non? Ouais, aussi, ouais. D'accord. Ah ouais, elle a fait les deux? Je connais pas ton Ouais. le deuxième truc. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était la sœur à Meredith, je crois, non? C'est ça, Ah oui, t'as ouais, l'air bien tout à calé fait, sur oui. Ouais, quand ça passait, X-Men. je regardais un peu des fois. Ouais. Mais bon, après, ça m'a. Effectivement, ouais, elle jouait dans Sex Academy. Ça, je connais pas, les gars. Qui Non. est la parodie du film d'un film culte pour filles qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Bon, je ne sais plus. Ouais, je sais plus, mais ouais, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça m'avait bien fait triper à l'époque. Moi, j'ai suivi Mais de. d'ailleurs, Ouais. elle joue avec Captain America, qui se fout une banane à speed dans le cul. Ah ouais? Exact. Ouais, d'accord. Putain, vous avez des Assez. références, les gars. Franchement, j'ai jamais Ah entendu parler de ce film. ouais. Ça Et lui fait pas. donc, elle jouera la sœur donc de Kara, donc ce sera Alexandra Danvers. Et aussi, ils ont casté David Harewood, qui jouait dans Homeland, le boss de la CIA jusqu'à la saison 2. Lui, ce sera Hank Henshaw. Et donc, ce sera le boss du département of Extranormal Operations. Désolé pour l'accent. Et donc, voilà, c'est le département qui s'occupe de tout ce qui est alien. Et bon, accessoirement, dans les comics, c'est le. Le merde. Le Cyborg, Superman Terminator là. C'est quoi déjà le nom? Cyborg Superman. Cyborg Superman. La première version, faut préciser, parce qu'il y en a deux maintenant, des versions Cyborg Superman. D'accord. Ben voilà, donc peut-être que ça basculera là-dessus, ou peut-être que pas du tout. On verra. Voilà. Ensuite, donc toujours pour le casting. Eh ben, toujours Supergirl, hein. Du coup, Kara Zor-El aura une maman qui sera interprétée par Laura Benanti, Ouais, la maman qui a biologique, hein. fait... Parce Ouais, qu'apparemment, maman là, non. biologique. Qui a fait quelques apparitions dans Nurse Jackie, The Good Wife. Jamais vu non plus. Là, moi non plus. Ouais, donc et après là aussi on a appris là dernièrement là, enfin ce matin ou hier soir que ils allaient aussi recycler le Superman de la série Lois et Clark de l'époque pour un rôle, on sait pas si c'est récurrent ou une apparition, et ainsi que la Supergirl qui avait joué dans le film Supergirl. Donc toujours la même logique, hein, on récupère des vieux gars pour faire un peu de fan service et pour avoir des castings pas chers quoi. Ouais. Ouais, bah je crois qu'on Les a fait le économies tour. du fan service, c'est bien. Voilà. Alors maintenant, retour sur Arrow. Donc, Deadball va arriver dans la série. Donc, Deadball, c'est Jack Simmons qui maîtrise l'électricité. Et donc, ce vilain sera interprété par Doug Jones et arrivera au 19e épisode. Et ce monsieur a joué dans des films plus ou moins connus. Parce qu'il a fait le Silver Surfer dans les Fantastic Four, le superbe film qui a fait un bide. Ouais, Fantastic Four, t'as tout à fait raison, ouais. Et ensuite, il a joué dans les deux Hellboy de Del Toro, même si je ne vois pas du tout quel rôle il avait. Ouais, pareil, j'ai pas vu Fantastic Four. Et les deux Hellboy, je les ai vus il y a longtemps, mais je me rappelle plus. Ils m'ont pas marqué ces films, remarque. Hein. Non, moi non plus, c'était pas du grand super-héroïsme. Spectral Mais. avec les références de l'enfer, tu le connais cet acteur? Ouais, Doug Jones, alors, si je me trompe pas, il me semble que c'est un acteur en fait qui a joué dans énormément, énormément de films, mais en fait, il est souvent ultra maquillé, ou il a des rôles de monstre, ou. D'accord. Mais je crois qu'il a une filmo qui est assez impressionnante, si je me plante pas. D'accord. Il me semble qu'il a joué dans le Labyrinthe de Pan aussi, il fait le mec flippant, là, avec les yeux dans les mains. Pas Ah oui, vu. ok, je vois son rôle en fait dans Hellboy. Je comprends pourquoi je ne le reconnais pas. Il joue l'homme poisson. Voilà, c'est ça. Pas Ouais, dire que ouais, niveau ouais. ressemblance. C'est un peu comme le mec qui joue dans la planète des singes, là, non? Il y a un mec là qui s'occupe que des trucs en CGI, non? Si je dis pas de Andy bêtises. Serkis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu dans le même délire, non? Ouais, sauf que lui, il est quand même plus connu. Ouais. C'est Gollum, c'est King Kong, Ah oui, d'accord. Hein. c'est Caesar qui joue. C'est un cran au-dessus quand même. Ouais, quand même. D'accord. Lui, Ouais. là, ouais, ses rôles sont reconnus. Ouais, c'est bien ça. Il a joué dans le Labyrinthe de Pan, dans Hellboy, dans Batman le défi aussi. Donc, ouais, non, non, il a Men in Black 2. Ouais, Ouais, il est, on le reconnaît jamais dans ses films. que des super films. Ensuite donc du casting pour Flash, donc il y aura l'actrice de Walking Dead, donc Amy Kinney, qui va débarquer donc à l'épisode 18, qui va s'intituler All Star Team Up. Et donc à ce moment-là, donc Felicity et Tom, ils viendront à Central City pour donc l'affronter elle. Elle incarnera le Bug-Eye Bandit. Donc ça c'est un ennemi, alors franchement j'avais jamais entendu parler, c'est un ennemi d'Atom. Et donc dans les comics, c'est un scientifique qui s'appelle Bertram Larvan, qui a mis au point des insectes mécaniques. Et donc sur le format papier, il a un fils qui reprendra le costume. Mais là, apparemment, ça va être remanié parce que ce sera une fille. Et donc, elle s'appellera Bri. Donc, moi, j'aime bien cette actrice qui était dans Walking Dead. Faisait qui dans Walking Dead du coup parce que je suis pas la série On va éviter de spoiler, mais elle fait la blonde, la sœur, celle qui sort avec le chinois. D'accord, ok. Ouais. Bon, on va pas spoiler, on va rien dire d'autre. Ouais, on va passer au News Comics VF. Et oui, donc les New Comics VF, donc la page Urban nous a apporté quelques trucs encore ce mois-ci. Donc ils ont annoncé Batman et Robin tome 3 donc pour le second semestre de 2015. À la fin du tome 4 d'Aquaman, donc ils ont déjà précisé que l'Aquaman tome 5 serait déjà pour 2015, donc ce qui nous ferait deux tomes pour cette année, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. On apprend également que Swamp Thing serait donc relaunch en librairie à la fin du run de Snyder, donc changement de titre aussi. Ce ne sera plus Swamp Thing, ce sera. J'ai déjà oublié le nom, mais tellement que ce sera l'incroyable. Ouais, un truc à la Petite con, chose comme something ça quoi. Ouais. de Swamp Thing, ça recommence au numéro 1. Batwoman va, à mon avis, suivre le même chemin, vu qu'ils ont annoncé que le tome 4 ou 5 serait le dernier. Mais ils vont pas abandonner ils ont précisé qu'ils n'abandonneraient pas la publication. Donc, à mon avis, vu que ça va repartir au numéro 1, donc nouvelle équipe créative, ça recommence au numéro 1, pour attirer de nouveaux lecteurs, sûrement. Ouais. Greg Rucka présente Wonder Woman est prévu dans un avenir plus ou moins lointain, donc fin 2015 ou voire début 2016. Comme ça, c'était une question posée comme ça, je pense qu'ils ont répondu, mais c'est pas vraiment prévu en fait, non? C'est Si, si, prévu. ils ont, en fait, il a demandé si la question était est-ce que pour un autre auteur, est-ce que Wonder Woman est prévu? Ils ont dit non, pas pour celui-là, mais Greg Rucka est prévu pour dans un avenir assez lointain, enfin pour une fois qu'ils auront fini de clôturer le run en fait D'accord. actuel de Wonder Woman. Donc la prochaine publication, c'est Greg Rucka, c'est dans les tuyaux, ça arrive, c'est juste pas prévu pour ce planning-ci. Donc à mon avis, si c'est pas pour fin 2015, ce sera pour début 2016. D'accord. Et donc le dernier tome de Green Lantern présente sera publié en septembre 2015, qui clôturera les Geoff Jones présente Green Lantern. Et la suite, donc, c'est à la fin du tome 4 de Green Lantern New 52, donc Renaissance. Et donc, ils ont déjà annoncé la suite, mais sans date de parution. Donc, on aurait Rebirth, War of the Green Lantern, et les Green Lantern Bright Next Day, tome 1 et 2 qui seraient Ouais, SD, publiés, ouais. mais on n'a pas encore de date fixe. Ça peut très bien être comme pour 2016, comme 2017, vu qu'ils sont tellement rapide pour couler du Green Lantern chez Urban. Les Break d'ASD Ouais. Ils vont publier le tome 1 et 2, c'est marqué à la fin du tome 4, mais c'est prévu, mais ils n'ont pas mis de date du tout. Les Green Ils ont dit Lantern Bright SD, apparaître. parce que Bright SD c'est déjà sorti. Ouais, Green Lantern Break SD, c'est ça. Green D'accord. Lantern Corp même, je crois. C'est ce que Geoff Jones a écrit, en fait. Ouais, d'accord. Pour tout Mais arrêter sur tout ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. c'est apparaître, hein, donc, mais ils n'ont pas du tout précisé de date. Et après, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi ils allaient arrêter Green Lantern tout court? Si, bah, ils ont de nouveau, ça fait 2-3 fois, bah, en fait déjà à la fin du volume, ils mettent la série complète, série complète, ils mettent le tome 1 à 4, donc sans mettre de tome 5 à prévoir. Et quand on leur a demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire quand arriverait la suite, ils ont dit que c'était encore trop loin pour en discuter et qu'ils étaient pas encore décidés sur ce qu'ils allaient faire de la série Green Lantern en librairie. On parle bien sûr de la série Green Lantern New 52, donc celle qui continue à suivre Ouais, avec après le run Banditti de là. Geoff Ouais. Jones. Maintenant, je trouverais ça carrément débile d'arrêter la série de Green Lantern New 52, puisque elle continue quand même encore et toujours aux US. Elle est publiée en single, elle est publiée en kiosque. Donc je vois pas pourquoi ils s'arrêteraient juste sur le run de Geoff Jones, surtout que. T'as pas de chance quand même toi, hein. Toutes tes séries s'arrêtent. En kiosque, c'est terminé. En librairie, ça va être terminé. Non, elle continue en Oui, kiosque, c'est juste que maintenant je suis passé au single vu que. mais ils arrêtent Red Lantern et New Guardians en kiosque, non? Ah ouais, ils arrêtent en single, ouais, ça s'arrête. Mais Single, c'est terminé. ouais. Et donc tu voulais gueuler parce que tu te demandais si c'était bien de relauncher des Batwoman et des Swamp Thing en librairie en fait. Oh, c'est pas pour gueuler, c'était juste. Je me posais la question en fait, est-ce que c'est vraiment utile de relaunch? Enfin, dans un sens, c'est censé. C'est un peu la politique Marvel, c'est donc on va relaunch pour attirer des nouveaux lecteurs. Maintenant, est-ce que ça a vraiment une utilité ou pas? Moi, je trouve que ça se défend, ça dépend le point de vue. Maintenant, Swamp Thing, ça a déjà pas marché quand il y avait un gros autocollant marqué fait par Batman, la cour des hiboux de Snyder. Je suis pas sûr que relaunch le titre numéro 1 en faisant un nouvel auteur que personne connaît, je suis pas sûr que ça va attirer plus de lecteurs qu'autre chose, quoi. Mais qui c'est qui a repris? C'est Charles Soule, non, sur Swamp Thing? Je pense pas. Ouais, Charles Soule. c'est Ouais, Charles Charles Soule. Soule. Ouais, c'est Ouais, Charles mais il est Soule. quand même connu alors. Ouais, il Bon, je devient connu, connaissais pas ouais. du tout en Bah, après, ouais, fait. peut-être que ça va. Peut-être que les gens qui vont en numéro 1, ils seront peut-être un peu plus tentés que si. Bah. Après, je veux dire, c'est pas des séries qui vendent des masses, donc moi, je pense qu'il vaut mieux être content déjà que ce soit publié, quoi. Ouais, bah c'est sûr que pour les gens qui lisent, enfin moi, perso, Something, ça me fait chier quelque chose de pas possible. J'ai acheté le 1, j'avais trouvé ça pas terrible. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il y a des Après, fans, donc c'est toujours bien qu'ils publient, mais... oui, voilà, c'est ça. C'est que après, peut-être qu'il y a des titres comme ça, ils tentent un deuxième truc pour que ça reparte, quoi. Vaut mieux ça qu'ils arrêtent complètement. Tout à fait. Ouais, c'est pas forcément mauvais, ouais, le relaunch, moi je trouve ça pas mal. À la limite, si ça peut attirer de nouveaux lecteurs, faire plus de fric à la maison mère, et puis qu'on puisse avoir quelques séries qui existent à nouveau, enfin moi ça me... Pas tout le temps après, hein. Mais c'est vrai que bon, là, six enfants, juste... hein. Ouais. Catwoman, c'est pareil, ça va. Ils vont y avoir droit, mais bon, après, c'est vrai que s'ils commencent à relancer pour rien dès qu'il y a un nouvel auteur, moi, ça va vite me gaver d'avoir 12 numéros 1 par contre. C'est vrai que ben ça a l'air d'être un peu leur nouvelle politique, en tout cas pour les séries qui sont pas les plus vendues. Par exemple, je pense que Snyder a de trahir sur Batman, je pense pas qu'ils vont relaunch Batman au tome 1, enfin j'ai un doute. Voilà, c'est pas Maintenant, possible. comme De on toute voit façon, les... ils peuvent pas, vu que tout est lié. Clairement, le run de Snyder, il est lié de A à Z, en fin de compte. On s'en rend compte avec Endgame. Ouais, Ouais, je veux dire, je parle une fois que Snyder aura fini, par exemple, tu vois. Maintenant, parce que c'est surtout leur truc. Bah, Urban, ils ont toujours favorisé les auteurs par rapport au run, je vais dire. Enfin, pas au run, le run, c'est un auteur, mais je veux dire aux séries complètes. Donc, eux, ils travaillent plus par auteur. Donc, une fois que l'auteur est parti, bah, en général, ils ont tendance soit à arrêter, soit à relaunch pour, je vais dire, passer à autre chose. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pratique parce que ça attire de nouveaux lecteurs, mais comme tu l'as dit, c'est saoulant parce que quand ça se passe sur un long terme, bah, c'est chiant d'avoir plusieurs numéros 1, quoi. Après, c'est qu'une présentation de. Enfin, c'est qu'un titre. Après, ce qu'ils pourraient faire aussi, à la rigueur, c'est arrêter de faire des. C'est lancer à chaque fois des arcs avec des collections signatures. Genre, ils auraient pu relancer Swamp Thing en marquant Charles Soule présente Swamp Thing, par exemple, tu vois. Là, Ouais, pour eux ça aussi. me gênerait un peu moins, peut-être. Ouais, peut-être, Oui. parce que c'est vrai que chez DC, ils ont tendance à garder leur auteur plus longtemps. Donc, ce serait plus possible. C'est vrai que chez Marvel, je pense pas que ce serait possible, vu que Marvel, ils ont l'art de faire trois numéros avec un auteur et puis changer pour deux numéros, puis l'auteur revient. Donc, c'est un peu difficile de faire des collections un tel présente. Mais chez DC, en général, les auteurs font un run complet. Après, faut voir, il y a des fois ça change. Bon, c'est vrai que c'est plus facile à lancer une signature sur une collection achevée que sur une collection en cours. Mais bon, après, ils Aussi. peuvent peut-être prendre un peu de recul, attendre un peu, et puis c'est vrai, lancer une collection. Ouais, ça peut. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir plusieurs collections signatures sur un même personnage, hein. Pourquoi pas, quoi. Si ça évite d'avoir plusieurs numéros 1 du même titre, c'est. Ouais. Vous avez autre chose à rajouter, les gars, ou on passe au gros du podcast? On peut passer au gros. Alors donc, on a les séries post-convergence qui ont été annoncées. Donc, ce qui devait être un petit relaunch, en fait, c'est pas vraiment un relaunch, c'est particulier parce qu'il y aura 25 nouveaux titres. Et en fin de compte, c'est des nouveaux titres qui n'existaient pas avant. Et parmi ça, il y a aussi des titres qui existaient, qui sont relancés, mais avec des titres différents et avec des histoires un peu différentes. Donc, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un relaunch. En attendant, voilà, on va vous lister les 25 titres, même si je pense que tout le monde les connaît déjà. Donc, on te laisse commencer, Vinch. Alors, on commence avec du très très très lourd, le tant attendu, le spectaculaire Batmeet. Donc, ce serait une série limitée en 6 numéros. Donc, le scénario sera fait par Dan Jurgens et les dessins par Corinne Howell. Alors, Donc, Batmeet, il a été réintégré récemment par Grant Morrison, c'est ça? oui, c'est ça. C'est Donc, ça. si je ne me trompe pas, c'est un espèce de petit truc qui vient d'une dimension de je ne sais pas laquelle, La qui ressemble à cinquième, non? Batman. La cinquième. Voilà, cinquième dimension, qui ressemble à Batman, qui est tout petit, qui ressemble à rien. Et c'est un personnage mythique, je vais dire. Toi, Spectre, t'en penses quoi du personnage? Ouais, moi, il y a moyen que je l'apprenne. Hein. En plus, série limitée en 6 numéros, je pense que je vais me laisser tenter par Batmeet. Et Batmeet, il a, comment dire, c'est un mini Batman en fait. Et puis derrière, il a un espèce de monstre aussi. Enfin, il est tout chelou ce truc. Je me demande ce qu'ils vont en faire. Je vais peut-être me laisser tenter. Ouais, Bah, toi? tu m'en diras des nouvelles. Ouais, Vince, toi, non, ça te dit rien. Bah, non, pas trop. Enfin, je sais pas, je connais pas trop le personnage. Ce que j'en ai vu dans Grant Morrison, ça m'avait pas trop tenté. Donc, maintenant, ça peut être un truc fun ou quoi, mais je demande à voir. J'attends les avis en tout cas pour. Mais j'achèterai pas le numéro spontanément en tout cas, non. Ouais. Ensuite, ouais, D'ailleurs, pardon. dans les séries actuelles, je vais dire, dans ce que je vais lister, ben, il n'y a pas grand-chose que je vais me ruer dessus, quoi. Donc, Pareil, passer à la pareil. suite, il y a Bizarro. Donc, ce serait une série limitée en 6 numéros aussi. D'ailleurs, je pensais au début que ça allait être. Enfin, beaucoup de monde pensait que ça allait être une série un ongoing, mais apparemment non. Donc, le scénario sera de Heath Corson. Donc, Alors lui, c'est c'est un scénariste et c'est un animé, producteur ouais. notamment des dessins animés. Ouais. Il a produit et Tout à scénarisé fait. le dernier là et tous les nouveaux des nous 52, c'est lui qui les a. Ça m'inspire à mort. Ouais, à noter que le Bizarro, c'est pas le Bizarro de maintenant, hein, c'est le Bizarro Oui, pré c'est New le vrai 52, Bizarro, donc là. ce sera plus, je pense, une série comique dans le même délire que Bat Meat qu'un truc Oh ouais, qui ce sera Remain Gritty, ouais. le vrai Bizarro, pas le truc bizarre que Luthor aura fait. Et donc, ce sera dessiné par Gustavo Duarte. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore Black Canary. Donc, ça aussi, c'est une grosse surprise pour moi. Parce que déjà, les Birds of Prey avec une team-up de super-héroïnes, ça marchait déjà pas terrible. Alors maintenant, Black Canary tout seul, je suis un peu stupéfait. Et oui, mais Black Canary, maintenant, elle est à la télé, donc il Oui, mais Black capitalise. Canary, c'est une chialeuse que personne n'a aussi. Donc, Ouais, mais bon, c'est tout et contre. elle a une exposition, et puis en plus, tu vas annoncer le scénariste. Bon, il fait apparemment du bon travail, là. Ouais, donc c'est Brendan Fletcher, donc c'est Bad Girls. Et le dessin, ce sera Annie Wu et Irene Co. Ouais, donc apparemment, Bad Girl, c'est bien. C'est une série, je sais pas, Teenage. moi de ce que j'ai lu, j'ai vu que du bien. Bon, moi, j'ai Ben, vite j'ai pas arrêté, encore lu mais. en fait, j'attends la VF pour Bad Girl, mais ouais, on a eu beaucoup beaucoup de bons retours, donc maintenant faut voir. Ça tchatche énormément quoi. Moi, ça m'a vite saoulé en VO, donc j'attends un truc français pour lire tranquillement sans me prendre la tête. Spectra, toi, t'as testé Eh ou pas? ben, Bad Girl, non, non, non, c'est bon, là, faut que je me remette tranquillement du travail de Gail Simone dessus, là, ça devenait un petit peu catastrophique sur la fin. Je pense que je testerai en VF. Mais Black Canary, par contre, je pense que je vais me laisser tenter. D'accord. Je suis allé voir les dessinatrices et tout. C'est un petit côté sympa. J'aime bien ce genre de série en ce moment, là. Chez Marvel, je me suis laissé tenter par Silk et Spider-Gwen, donc je pense que je vais essayer. D'accord. Ensuite, on passe à Cyborg, scénarisé par David Walker. Alors, j'ai rien trouvé sur lui. Je sais que c'est un scénariste noir, donc ils ont mis un noir pour écrire un noir. Donc bon, chacun jugera. Moi, je m'en fous. Et dessin Ivan Reis. Donc, je pense ils vont tenter avec le nom Ivan Reis de faire vendre un peu le personnage. Donc, Ivan Reis, notamment dessinateur sur Aquaman et puis Justice League. Bon, malgré le dessinateur, moi, franchement, Cyborg, ça me dit que dalle. Vous? Que Ouais, dalle. non. Cyborg, franchement, le personnage est chiant à souhait. L'histoire d'exposition dans Justice League était vachement suffisante pour moi. Maintenant, ça m'étonne pas qu'ils vont faire une série vu qu'ils ont annoncé son film et tout. À mon avis, c'est peut-être un peu pour tester sa popularité aussi, en solo. Maintenant, je suis pas convaincu, franchement. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir trouver à faire avec lui. Ouais. Ensuite, Doomed de Scott Lobdell au scénario et au dessin donc de Javier Fernandez, ça doit se prononcer comme ça. Bon, Doomed, on en reparlera un peu plus tard par rapport à ce qui s'est passé dans le Justice League de ce mois-ci. Ça peut avoir un lien avec ça. Donc on en reviendra après. Donc moi juste sur le scénariste et le dessinateur et l'image qui a filtré, ça me donne carrément pas envie, quoi. Ah bah Moi quand Scott même. Lobdell, ça fait peur. Hein. Parce que Lobdell, c'est quand même l'architecte, le mec qui devrait être l'architecte de l'univers DC, c'est quand même un auteur de génie, de plusieurs séries à succès. Donc franchement, moi je suis confiant. Enfin non, je déconne, c'était de l'ironie. Quand je vois ce que Scott Bah. Lobdell a fait sur Superman, genre il me crevait les yeux des fois, je me dis comment j'ai pu lire ça. Ouais, mais apparemment à l'époque sur X-Men c'était énorme ce qu'il a fait. Il y a J'ai jamais longtemps. lu son run sur X-Men, Ouais, perso. apparemment Ah, il c'était paraît que énorme. le run sur X-Men est pas mal, ouais. Ouais. Mais ça, parce que Lobdell, il était bon dans les années 90, il a une écriture qui est très 90s, donc c'est vrai que maintenant ça passe un peu moins bien hein, quand même. Non, pour moi, c'est le scénariste, c'est horrible. Enfin, ce qu'il a fait sur Superman, c'était vraiment, à mon avis, il devait pas kiffer le personnage, ou il connaissait pas, ou je sais pas. Enfin, non, j'ai trouvé ça trop brouillon. Ouais. Donc Doom de on laisse tomber quoi. Ok, ensuite bon, le titre qui me donne le plus envie, limite c'est le seul que j'achèterais peut-être, c'est Justice League of America. Bon, je suis un bourrin mais c'est pas grave, hein, je m'assume. Donc scénario et dessin, Brian Hitch. Donc alors ça, je me demande bien combien de temps ça va durer avant d'avoir des retards. Parce que Brian Hitch, c'est pas le mec le plus rapide du monde. Donc là il va et scénariser et dessiner, donc Il paraît qu'il a déjà quelques numéros déjà de préparer, justement pour éviter d'avoir du retard maintenant. Ouais, comme ça, il sera en retard que sur le 2, pas sur le premier. Enfin bon, moi, vu les dessins, ça a l'air énorme. Après, j'aimerais bien voir au niveau de la temporalité, de la chronologie, vu que ça a l'air de reprendre la même équipe que dans Justice League. Ouais. Donc, mais bon, moi, je trouve que c'est bien une nouvelle série de Justice League avec des personnages, on va dire, importants. Parce que c'est vrai que chez DC, en équipe, contrairement à Marvel, où il y a 20 000 équipes Avengers avec souvent les mêmes, chez DC, en fait, il y a que la Justice League, quoi. La Justice League United, c'est pas les mêmes personnages. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais quand même voir au niveau de la temporalité ce qu'ils vont en faire. Ouais. Et je soupçonne que lui, il soit juste là pour lancer le titre sur 3 numéros et qu'après, ils mettent un autre mec derrière. C'est possible, ouais. Je pense que ça. Il y a moyen que ce soit ça, ouais. Je suis du même avis que toi sur la temporalité, vu que sur l'image, bon, on voit clairement c'est l'équipe de la Justice League normale, donc je me demande, niveau, enfin je veux dire, si ça se passe à la même période et qu'il y a les membres originels qui sont revenus sur la Justice League, ben, je me demande vraiment l'utilité d'avoir deux séries avec les mêmes héros au même moment. Donc maintenant, j'attends de voir Ouais. ce que ça va être. Mais ça a l'air sympa, en tout cas, celle-là, elle me tente bien aussi. Rien que le titre, en fait, ça fait vendeur déjà. Justice of America. Ouais, c'est clair. Spectra, t'en penses quoi, toi? Je vais prendre Justice League of America. Ouais, il y a Je suis moins. pas particulièrement fan du trait de Brian Hitch, mais ouais, j'ai bien envie d'une autre Justice League parce que celle de Geoff Johns, ça fatigue un peu des fois. Ok. Et Alors, je te laisse ben du continuer sur coup, Midnighter, bah ouais. ouais. Et ben voilà, donc que des séries qui ne me parlent absolument pas. Donc Midnighter, scénarisé par Steve Orlando et avec Echo au dessin. Alors ça en fait, Steve Orlando, et donc je crois qu'il est gay, donc ils ont pris encore un scénariste gay pour faire une série gay. Donc bon, toujours pareil, hein, chacun fait pense ce qu'il veut, moi je m'en fous. Mais ouais, Midnighter, c'est un personnage de Wildstorm de l'époque, et là dernièrement, il était apparu dans Nightwing, pas dans Nightwing, dans Grayson. J'avais lu que le numéro 1. Ouais, vous suivez pas vous la série Grayson non plus? Non, Si, si. Ah, tu la suis? j'aurais dû, moi. D'accord. Et c'est un personnage récurrent dans Grayson? Bah, j'ai lu que les 3 premiers numéros et tu le ou 3 ou 4 numéros et tu le vois sur la moitié, tu le vois 2 fois sur 3 numéros, donc D'accord, ok. maintenant je sais pas s'il va dépasser le premier arc ou pas. D'accord. Ouais, je crois que ouais. Je sais pas, ouais, c'est un personnage important quand même, le Midnighter, ouais, il me semble. Et ensuite on Omega Men, donc avec Tom King au scénario et Alec Morgan dessin. Donc Tom King, c'est le Donc scénariste justement de Grayson, entre autres. d'accord. Et Omega Men, donc ça suivra une équipe d'extraterrestres. Ça, apparemment, c'est un vieux titre y a bien longtemps, quoi. Mais Plutôt franchement, tourné sur le fun un peu. ouais, voilà. Franchement, moi, je connais pas. Ouais, non plus. Et bah là, bah, alors là, je crois que ça ne parle absolument pas. 13. Donc avec au scénario Mark Possle et au dessin Ben Caldwell. Alors en fait, Prez, c'est une série en 4 numéros. Donc je sais pas si ça avait été annulé ou si c'était une mini, mais ça date de 1973. Et donc ça racontait les aventures du premier adolescent devenu président des États-Unis. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, mais pareil, sinon moi ça me parle absolument pas. Le visuel qu'il y avait était très joli. Ouais. Mais ouais, c'est assez étonnant hein, quand même les choix qu'ils ont fait. Bah, ils veulent clairement se diversifier et proposer un truc pour tout le monde, quoi, hein, comme il l'avait dit directement. Donc ils veulent, ouais, voilà, hein, proposer un titre pour tout le monde. Enfin, pas pour moi, quoi. Ensuite, on poursuit. Et ouais, donc là on arrive avec le relaunch de Batman et Robin. Donc ça change de nom, ça s'appellera Robin Sons of Batman. Et ce sera scénarisé et dessiné par l'ancien dessinateur de Batman et Robin, donc Patrick Gleason. Ouais, donc là c'est clairement une promotion, après il faudra voir ce qu'il vaut le mec en tant que scénariste, même si apparemment il arrive très bien, c'est un très bon storyteller, non? Spectra, toi qui suis la série depuis le début. Ah oui, la série Batman et Robin est impeccable. Par contre, où est-ce qu'ils ont mis Thomasy, quoi? Ouais, je suis un peu déçu, Thomasy, il gérait super bien Robin. Maintenant, ouais, Gleason, j'aime bien aussi, moi, perso. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que sur les femmes, il a l'habitude de leur faire des lèvres botoxées à crever. Mais sinon, à part ça, les dessinateurs passent très bien. Donc maintenant, ouais, à voir ce qu'il va faire de cette nouvelle monture de Robinson Sons of Batman. J'ai quand même hâte de le lire, perso. C'est un titre que je prendrai, à mon avis. D'accord, ouais, moi je pense aussi. Ensuite, ben, on a Starfire. Donc, elle part en solo, elle quitte les Outlaws. Irène Houd pour se lancer toute seule dans un truc qui a l'air un peu teenage et humoristique aussi de ce qu'on en a vu. Donc ce sera scénarisé par Jimmy Palmiotti et Amanda Conner et dessiné. L'équipe créative de, enfin les scénaristes de Harley Quinn. Ouais, donc ouais, ça pousse dans le truc fun. Et donc le dessin d'Emanuela Lupacino. Donc ouais, enfin pour moi ce sera sans moi, je trouve ça, enfin de ce que j'ai vu ça me semble bizarre vu que bah, Starfire dans le New 52 bah, elle était beaucoup plus assez sombre comme personnage je trouve, et là ça a l'air, ils ont l'air de se diriger vers un truc un peu délire fun Ouais, je pense qu'ils vont. Je connais pas des masses le personnage, bah bon, apparemment déjà le costume c'est celui d'avant. C'est pas le truc ça donc. qui fait aspect comme elle a maintenant là. Donc je pense que ce serait un truc plus fun. Ils vont essayer de. Vu qu'Harley Quinn ça cartonne, je pense qu'ils vont essayer d'établir un nouveau titre dans ce même délire là en fait. Vu qu'ils ont mis les mêmes scénaristes. C'est leur but. Puis alors on passe à encore un nouveau projet Robin. Ça s'appelle We Are Robin. Il sera scénarisé par Lee Bermejo et dessiné par Carrie Randolph. Donc ça me Ça tente, même m'intéresse, ouais. si je vois pas trop. Enfin, je suis pas trop sûr de l'histoire et tout. C'est bah, le dessin, je pense, qui me souvient bien la cover qu'ils ont présentée, c'était plusieurs personnes déguisées en Robin. Donc maintenant, je vois pas trop ce que ça va être, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Quand c'est Robin, j'aime bien. Et toi, Spectre? Ouais. Ah bah il y a Libermejo, donc du coup je pense que je vais. Il y a Libermejo, il y a Robin, donc je pense que je vais quand même jeter un petit coup d'œil à cette série. Ouais, ça m'intéresse aussi, moi, à voir un peu c'est quoi ce truc-là. Ouais. Ensuite, on a Batman Beyond, donc scénarisé par Dan Jurgens et dessiné par Bernard Chang. Bon, moi, ça me dit que dalle. Vous? Moi je dis oui. Ah ouais, Oui. d'accord. Bah, Bah, Batman je dis oui Beyond, moi je dis aussi. oui. Hein. Ah ouais, Bah, d'accord. du Batman Beyond, en plus du Beyond dans la continuité, j'ai dit pourquoi pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quelle époque ça va prendre, l'histoire, etc. Personnellement, à titre perso, bah, je préférerais que ça se passe donc dans le futur. Maintenant, je sais pas du tout, à mon avis, ça va surtout dépendre de la fin de Future Ends et de Convergence, de savoir où est-ce qu'il va se retrouver notre très cher Terry. Alors ensuite on a Constantine the Hellblazer avec au scénario Mink Doyle, donc elle c'est la dessinatrice de The Kitchen chez Vertigo et au dessin Riley Rossmo, donc bon clairement ils veulent revenir sur un truc plus Vertigo, enfin déjà par rapport au titre, après on verra si c'est vraiment le cas, mais bon ils ont l'air de vouloir faire ça. Et ensuite on a Dark Universe qui donc après on n'en sait rien, mais bon ça pourrait je pense remplacer la Justice League Dark, et vu qu'il y a un projet de film qui pourrait s'appeler Dark Universe sur la Justice League Dark. Donc voilà, ils font un peu le lien. Bon, le film, je sais pas s'il sortira un jour, hein, vu que c'est du Benicio del Toro, mais bon. On va dire qu'il capitalise sur le nom. Scénario, donc James Tynion IV. Et dessin, donc Mink Doyle. Donc voilà, sur les deux titres, on va dire un peu surnaturel. Merde, elle est à la fois scénariste donc sur Hellblazer et dessinatrice sur Mink Doyle. C'est des titres qui vous intéressent, hein? Alors j'ai vu James Tynion IV, du coup ça me branche pas du tout. Je les suivais pas avant, donc je jetterai peut-être un petit coup d'œil à Constantine, parce que du coup la série m'a un peu donné envie de m'intéresser au perso, mais Dark Ça, Universe, ouais. non je pense pas. Ouais, moi ni l'un ni l'autre. Et toi, Vinch? Oh non, ni l'un ni l'autre, je déteste l'univers dark de DC. Enfin, c'est un truc qui m'accroche carrément pas du tout. Enfin, j'ai même pas encore fini pour dire Forever Evil Blight, tellement je trouve ça à chier perso. Il y a plein de gens qui adorent et tout, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Franchement, leur univers dark, je trouve tellement pas intéressant. Donc je pense pas que je vais continuer avec ça. Ok. On va passer à Dr. Fate, Spectra. Ouais, Dr. Fate, donc avec Paul Levitz au scénar et puis Sonny Liu au dessin. Paul Levitz, il était sur la série complètement énorme World's End, là, actuelle. Ouais, Ouais. World's Finest aussi. Oui, World Finest, pardon, ouais. Ouais, World Je voulais dire. Finest plutôt. C'était de la grosse merde, ouais. Ouais, voilà, il était sur ça, là, il va sur Dr. Fate. Ma foi. Ça vous dit ça ou pas du tout? Oh, pas des masses. Ouais, pareil. Et toi, Vinch? Pourquoi pas, mais peut-être pas me la prendre à attendre les critiques, mais je dis pourquoi pas. C'est du Ça Astou, fait clairement. trop de séries à suivre là déjà, donc va falloir. Je crois que je vais sacrifier Dr. Fate. Ensuite, on enchaîne avec Earth 2 Society, donc avec Daniel Wilson au scénario qui lui officie effectivement sur World's End, et au dessin George Jimenez qui fait des trucs plutôt pas mal. Hein. Je vais les regarder. Earth 2, je vais continuer, je pense. Moi, je pense aussi je vais m'y remettre à ce moment-là, en fait. Alors ensuite, une nouvelle mini, donc Harley Quinn Power Girl. Ouais, donc Harley Quinn Power Girl, ça c'est vraiment le truc qui me. Enfin, je me pose des questions de la team-up, ça, à mon avis, c'est un truc vraiment fun. Donc, ce serait une série Ouais, c'est limitée en sûr. 6 numéros. C'est sûr. Donc, ce sera Jimmy Palmiotti et Amanda Conner. Et le dessin, ce sera Stéphane Roux. Enfin, là, je suis mitigé, je me dis pourquoi pas. Mais en fait, eux, ils avaient déjà fait la mini Power Girl qui a été publiée, pas la mini, mais la série qui avait été publiée par Urban là, il y a quelques temps en France. Ouais. Donc, c'est des personnages qui maîtrisent complètement tous les deux. Donc, Ah, après, voir. ce sera pour la Power Girl de R2, je suppose, évidemment, avec Harley Quinn de. Bon, on ne sait pas de quel univers encore, mais je me dis pourquoi pas. Enfin, je suis un peu béat devant le. Enfin, je vais dire, je me demande bien ce que les deux ont en commun pour faire une série. Maintenant, je me dis ça peut être très fun vu le tempérament de Power Girl et vu le tempérament totalement déjanté d'Harley Quinn. Je me dis que ça peut donner quelque chose d'assez fun si l'histoire en vaut la peine. Bah, de toute façon, ça va être un truc fun, c'est sûr et certain, quoi. Je veux dire, ouais, mais il faut que l'histoire tienne un minimum quand même pour qu'on s'y intéresse et qu'on ait envie de se poêler parce que l'humour américain est quand même fort différent de l'humour européen aussi. Donc, si c'est que des gags sur gags, bah, je suis pas sûr que ça va me plaire non plus. Moi, généralement, les trucs marrants, ça me fait pas rire. Bon, et ouais, au dessin, le français Stéphane Roux. Alors Ensuite. ensuite, ben on passe à la seule série pour le moment annoncée, pour le Green Lantern Verse. Donc ce sera Green Lantern Lost Army, scénario Cullen Bunn, et au dessin ce sera Jesus Says et Javi Pina. Yavi Pina. Je ne connais pas du tout. Michael Hanben, c'est. Je ne suis pas Sinestro, mais apparemment tout le monde dit qu'il fait du bon travail sur Ah oui, Sinestro. Sinistro, oui, Sinistro, Cullen Bunn, je fais Sinistro, ben j'aime bien, Il je fait suis la série. Magneto et il commence à faire de plus en plus de titres. Donc. Donc, bah, Ah, il Lost y en Army, a. ça sera, je vais prendre évidemment, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est du Green Lantern, j'espère que ce sera intéressant. Maintenant, Lost Army, c'est un titre un peu énigmatique, je me demande vraiment Ouais. sur quoi la série va se centrer. Donc, mais ce sera, oui, ce sera dans mon panier. Toi, Spectra? Non, absolument pas, Green Lantern, j'ai beaucoup trop de retard pour me lancer là-dedans. Et par contre, que Cullen Bunn au scénar, ouais, c'est pas mal, le mec assure bien, à part sur Lobo, hein. Par contre, Lobo, voilà, je le redis, évitez. Mais ouais, c'est triste, par contre, il n'y a plus qu'une série pour Green Lantern. Deux. Il y Tout aura Green dépend encore. Lantern tout court. Ouais, et Sinistro aussi encore, Oh, qui voilà, il y appelle. a Ah Green oui, Lantern. d'accord, ok, Ça, c'est ouais, les j'avais pas nouveaux trucs, mais compris. c'est pas les Green Lantern, ça continue. Ouais. Ouais, mais il y aura peut-être encore d'autres trucs. Je pense qu'il y a encore certains titres à annoncer Oui, il en dans. manque, c'est sûr, ils vont encore annoncer quelques-uns. Bah, J'espère que. ils avaient dit qu'ils laissaient tomber donc le truc New 52 là. Ouais. Mais bon, là, on en est quand même en tout à 49 titres et ils ont Un pas tout retour du annoncé. Green Lantern Corp. Un retour du Green Lantern Corp. De quoi? Ah, tu crois J'espère. que tu. Ouais, Ben bah. j'espère, j'espère. Parce que. Je pense que Ben c'est pour ça moi, qui c'est va. quand même une série pilier de l'univers, quoi. C'est ça qui va remplacer, hein. Le corps, Lost Army, je pense qu'il y a un lien, quoi. Ça Faut va. voir, ouais, Je pense que peut-être, ça va faut remplacer le voir. truc, quoi. Et Faut après, en voir, tout bah c'est vrai cas. qu'en vue du preview de l'épisode 40 de Green Lantern, ça peut laisser à prévoir que ouais, le corps va être, à mon avis, fortement endommagé encore une fois. Je pense que Red Lantern et machin et l'autre là, New Guardian, c'est terminé pour toujours, quoi. Enfin, pour Ouais, longtemps, enfin, quoi. pour toujours, ouais, pour un moment, enfin, en tout cas, je reviendrai dessus après, mais ouais, New Guardian, clairement, dans la review du 39, ça sent la fin, comme le titre. Donc ensuite, donc nous avons la Justice League 3001, donc scénariste par Kate Giffen et dessin par Howard Porter. Donc ça, Ça je dis change oui quoi? aussi, puisque je suis la Justice League 3000, j'adore. Ouais. C'est fun, décomplexé, les histoires sont intéressantes, il y a des rebondissements, donc je me dis oui. Dommage que ça n'arrive pas en Ouais, VF. c'est clair. Ensuite, encore un nouveau titre qui m'intéresse pas. Moi, franchement, il n'y a que dalle, hein, qui me plaît dans cette liste. Martian Manhunter, donc scénarisé par Rob Williams. Donc lui, dernièrement, il a fait des séries, des épisodes, des séries numériques Adventure of Superman et Sensational Wonder Woman. Et ce sera dessiné par Ben Oliver. Ça vous fait kiffer, Martian Manhunter, un titre? J'ai pleuré, moi, de joie. C'est vrai? Non, non, Moi, je m'en bats les couilles. Et Vinge? non. Moi, je dis pourquoi pas. Enfin, Martian Manhunter, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié, que je trouvais sous-exploité dans le New 52. Donc, je me dis pourquoi pas. Maintenant, il faut voir ce qu'ils vont en faire, la direction de la série. Enfin, je veux dire, ça, il y a plein d'éléments. Ça peut être très bien, comme ça peut être un truc carrément à chier. Donc, à Alors. voir. On verra, ouais. Ensuite, on a Mystique You. Scénario Alissa Quitney, connais pas. Et dessinateur, c'est le Belge Morrissey, donc qui a bossé sur Cosmic Patrol et sur les profs. Bon, moi, j'ai aucun avis, je sais pas ce que c'est. C'est Moi non encore un plus, là, truc. personne. Ça, c'est encore un truc qui va être annulé au bout de trois numéros. Ensuite, on a Red Hood Arsenal. Donc vu que Starfire elle a bougé toute seule, donc scénario Scott Lobdell et dessin Denis Medry. Ça je pense que j'irai voir le premier numéro quand même. Ça m'intéresse. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Lobdell, il maîtrise, enfin il maîtrise, il a fait un truc plutôt sympa de Redwood, d'Arsenal, hein. Et c'est vrai que quand il est parti de la série, il a un moment qu'il a été remplacé par James Tynion Fah, enfin j'étais super content qu'il soit revenu sur le titre, quoi. Et toi, Vince? Ouais, moi je prends Red Hood et Arsenal, j'avais déjà bien la monture. Red Hood and the Cloud, donc Red Hood Arsenal, ce sera pour moi. Ensuite, on a Section 8. Donc ça, c'est une série limitée en 6 numéros par Garth Ennis, donc qui revient travailler chez DC et chez Marvel, et au dessin John McCrea. Hein. Donc ça, je connais pas Section 8, mais bon, apparemment, c'est une équipe qui était apparue dans la série Hitman. Au numéro 18 de septembre 97, c'est une bande de super-héros ridicules, donc créée par cette fameuse équipe là au scénario et au dessin. Donc ça apparemment à l'époque c'était hilarant. Donc voilà, série limitée en 6 numéros. J'ai vu quelques images de l'ancienne série, ouais ça me donne envie quoi. En plus c'est Garth Ennis. Donc ouais ça par contre je vais tester je pense. Vous? Pas du tout. Ouais, j'attends le TPB peut-être. Non moi ça je vais tester par contre. Ça me changera des trucs habituels que je lis. Voilà, ça c'est donc pour toutes les nouvelles séries, et ensuite donc on a des changements d'équipe créative pour plusieurs titres, donc on va vous donner la liste. On commence par Ouais, Aquaman. on a du changement. Aquaman, donc l'omission Cullen Bunn au scénario et dessin Trevor McCarthy. Gotham by Midnight, Ray Fawkes au Ouais, scénario ça et change pas en fait. ouais, Juan Ferreira au dessin, Green Arrow changement encore, Et relaunch Ben aussi. Percy C'est pas sûr et ça. relaunch. C'est pas sûr. Ils ont pas dit, ils savaient pas en fait. Ils ont dit qu'il y aurait un numéro normal après Convergence. Et peut-être qu'au mois de juillet, ils relauncheraient, mais ils sont pas sûrs encore. Je pensais que c'était sûr, bon, qu'ils allaient relaunch vu la merde que c'était maintenant. Non, parce que déjà, ouais, le numéro après Convergence, ça suit la chronologie normale. Et c'est peut-être qu'après, au mois de juillet, qu'ils disaient qu'ils allaient faire un numéro 1, mais c'était pas sûr encore. Apparemment, ils se tâtaient là-dessus. Ils savaient pas. J'espère pas, mais bon. Donc en Ben gros tout Percy, tout. Pardon, vas-y, excuse-moi. Ben Percy au scénario et Patrick Zierker au dessin. Donc ça moi je vais le prendre direct, parce que Zierscher c'est un monstre notamment sur Futures End dernièrement. Après ça me fait rire toutes les mauvaises langues qui disaient que maintenant le comics allait être un dérivé de la série télé. Ben voilà la preuve que non, c'est que l'équipe qui est actuellement elle sera pas restée bien longtemps en fait. Si elle a fait elle arrive à quel numéro? Au 30? Ou au 35? Je me rappelle plus. C'était quand le numéro Futures End de Green Arrow? Le 35, non? C'était le 35, quoi. Donc en gros, 34, 35, chose comme voilà. ça, ouais. Donc en gros, ils auront fait 5 numéros. Mais Et ils c'était de s'en la vont, merde. quoi. Et voilà, donc il y avait des éditos sur internet comme quoi machin, ça allait être un copier-coller de la série télé, et en fin de compte. En même temps, je pense que DC, ils ont eu la bouse qu'ils ont fait, ils les ont dégagés, quoi, c'était pas possible. Mais je sais pas si c'est vraiment si nul que ça. Moi j'ai lu un numéro. Moi, généralement, quand les gens ils critiquent des séries avant même qu'elles soient sorties, je vais toujours voir de mes propres yeux, et je trouvais pas ça complètement merdique, quoi. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Moi, en fait, c'était mieux que le début que le 17 premier numéro, mais c'était, je trouvais ça très très très moyen, surtout après le run Ouais, mais de après, le Maier. c'est normal. Je pense que le run de Lemire, c'est probablement, enfin, je pense, hein, le meilleur run du personnage depuis toujours. Donc, forcément, derrière, c'est dur de. C'est dur d'être au niveau, mais Non, après, moi ce que je j'ai vais ah, lire. dommage, c'était, je trouvais ça trop enfantin, enfin, je veux dire, pas enfantin, mais. Je trouve ça trop léger, la série. J'ai pas trop apprécié. Déjà, voir Felicity, ça m'a déjà fait chier. Donc. Moi je. Maintenant, ouais, j'étais pas hyper fan. Enfin, je suis pas mécontent qu'il reste pas sur la série, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ils auront fait 5 numéros. Après, Ben Percy, franchement, désolé, mais là, comme ça, il n'y a rien qui me vient de lui. Mais en Je tout suis cas, allé j'irai. voir, Ouais. c'est joli ce qu'il fait. C'est vraiment pas mal. Non, c'est un scénariste, Ben Percy. Pardon, excuse-moi, j'étais sur le dessinateur. Ouais, non, Zercher, il est. Ouais. Zercher, moi, je kiffe grave Zercher. C'est énorme. Ensuite, donc. Donc la Justice League United, donc qui change d'équipe créative, mais on ne connaît pas encore le nom de l'équipe créative. Donc là, je pense que c'est officiel. Je pense que l'émir, il quitte définitivement DC, quoi. Parce qu'il lui restait plus que Ouais, ça, non? c'était ça, ouais. Ouais. À mon avis, déjà, ouais, il va chez Marvel. C'est dommage. Et chez Il fait Valiant pas mal aussi, il d'indés, est. là, l'émir surtout. Il a une série chez Marvel avec Hawkeye, mais Chez Valiant là, aussi. ouais, chez Valiant, et puis il va chez Image aussi. Ouais, il est deep, quoi. Ouais. Dommage que DC ne va pas se garder. Il reviendra peut-être, hein. Qui sait? De toute façon, je le mets au défi d'avec un nouveau personnage, un nouvel archer, de faire aussi bien qu'il a fait avant. Je pense qu'il Ouais. arrivera pas, mais bon. Surtout Surtout qu'il a pas sur Reddit. Sorrentino là. Hein. Ouais, Ah, surtout c'est qu'il peut-être est. du Ouais, Reddit. c'est clair. Sinon, ouais, donc la New Suicide Squad qui reprend une nouvelle équipe créative encore en si peu de temps. Donc ce sera Sean Ryan Ça change pas, par contre, c'est le même scénariste. Il n'y a que le dessinateur qui change. et Carlos Danda qui arrive sur le titre. Lui, je le Donc kiffe. je Hein. connais pas, j'ai pas encore. Enfin si, j'ai lu les deux premiers numéros de la nouvelle monture. J'aime bien, Moi, j'ai rien lu, j'ai pas le mais temps de lire. lui, le dessinateur, moi, de lui, j'ai chez moi, j'ai le Batman Arkham City là, de l'époque, hein, qui était vendu avec le jeu vidéo par Urban. Moi, j'aime bien son style. Et après, dernièrement, il me semble qu'il avait fait quelques numéros sur le Justice League, peut-être sur le tome 2 d'Urban. Si je dis pas de conneries. Je ne saurais pas dire. J'aime bien son style. Maintenant, ouais, j'ai hâte de voir la série, surtout qu'il y a le Néga Flash qui arrive dedans, donc ça me fait envie de voir la série, ça a l'air pas mal du tout. Ouais, c'est la nouvelle équipe là. Il y a Cheetah, Nega Flash. Je crois qu'il y a un mec de la cour des hiboux. Ouais, il y a aussi le Parasite Ouais, c'est ça. En et fait, ils ont pris Headlight un. End. Ils ont pris un ennemi de chaque super-héros et ils l'ont Donc foutu dans l'équipe, quoi. ça fait envie, j'espère que le titre sera bien vu. Puis alors il y a Superman qui change déjà d'équipe créative aussi. Donc Geoff Jones ne sera pas resté très longtemps, ni Romita Ju Ah Si, non, c'est Romita, il reste. Romita Si, Junior reste. Romita, il bouge Romita, pas. il bouge pas. Donc c'est juste le scénario, c'est Jen Luen Yang qui reprend le scénario. Donc je me demande un peu pourquoi est-ce que Geoff Jones bouge déjà du titre. Sauf qu'il aura fait que 5 ou 6 numéros aussi, je crois. Bah, je pense que c'était pour le relancer avec la catastrophe qu'il y avait avant. Après, de toute Bon, façon, là, ouais. Geoff Johns, je crois qu'il a. Il a plus grand chose. Il y avait donc des rumeurs comme quoi il travaillerait sur un titre Shazam. Avec son pote, je me rappelle plus son nom, le mec qui est sur le titre Shazam avec Geoff Johns là, sur le bouquin d'Urban. Gary Frank. Ouais, voilà. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi il bosserait sur un titre Shazam. Mais sinon, Geoff Johns, à part Justice League, il a plus grand chose. Hein. Je crois qu'il est très très pris avec tout son truc sur les films, sur les séries télé et compagnie. Donc ça, c'était les principales séries. Et ouais, la dernière rumeur comme quoi il y aurait peut-être une mini-série sur Mera ou sur Rise of the Seven Seas. Ça, c'est une rumeur aussi apportée par Bleeding Cool. Mais bon, on va revenir aux séries. Donc globalement, donc vous êtes plutôt content ou un peu fébrile sur tous les titres qui vont sortir. Oh, plutôt Content, ouais. content quand même. Je suis content de voir que Marvel, c'est. Pardon, excusez-moi. DC Comics, c'est Ouh! bien. Oui. J'ai honte. Non, mais ils sortent des titres un peu plus indés, du coup, un peu plus comme Marvel le fait. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Toi, Vinch? Ouais, moi aussi, je suis content. Je me dis que c'est bien. Il y a du renouveau, ça bouge, donc c'est du bien. Puis, il y a des trucs, peut-être qu'à découvrir. Donc, je me dis, à mon avis, il y aura beaucoup qui sera à jeter, mais. Ça fait quand même plaisir de voir que ça bouge et qu'il y a possibilité d'avoir de nouvelles belles histoires. Ben moi ça me fait chier en fait, y a rien qui me fait vraiment bander à part Justice League of Ah. America. Y a des trucs que je vais prendre comme ça, mais bon c'est pas des. Tu vois là je regarde, voilà, je vais prendre Robin pour voir un peu ce que ça donne. Ou à Robin, c'est pareil. Mais après je me remettrai, je pense, à Aquaman vu que le scénariste y dégage. Mais sinon voilà. Franchement non, moi y a rien qui me fait rêver. Hein. J'aurais préféré qu'il ressorte des. Au lieu de sortir Midnighter, j'aurais préféré une série Gen 13. De l'époque ou un truc Wildcat, mais globalement, franchement, non, y a Harley Quinn, Martian Manhunter, Mystique You, enfin, moi je suis déçu, c'est bien qu'ils se bougent, mais c'est pas les titres que j'attendais en fait. Mais bon, apparemment, ils vont encore en annoncer d'autres. Et ils disaient donc qu'il n'y en aura plus 52, mais là on est déjà à 49 et ils risquent encore d'en faire. Alors, j'espère qu'ils vont pas non plus trop trop en faire. Mais le truc qui est bien quand même dans leur truc, c'est qu'ils annoncent pas mal de mini. Donc au moins voilà, ça évitera les séries annulées quoi. Ils vont au bout de la mini, si ça marche, ils font un ongoing ou ils relancent une mini quoi, mais ça je pense c'est une bonne idée. Ouais, c'est mieux. Les mini-séries, des fois, c'est mieux que lancer un ongoing qui va quand même se faire annuler et jeter à la poubelle après 6 numéros, quoi. C'est clair. Ouais, donc là sur les mini, c'est bien. Après voilà, ici ils peuvent faire plein de petites mini sur d'autres personnages, ça peut être une bonne idée ça par contre. Voilà, bon, vous avez autre chose à rajouter sur cet événement du mois de juin? Non, pas du tout. Je suis tout Non, émoustillé, j'attends j'attends. convergence. J'attends convergence, ouais. Moi aussi. Bon, on va passer à nos reviews télé alors, avec Gotham. Donc vas-y, hein, moi j'ai totalement stoppé, donc je t'écoute. attentivement. Eh ben Gotham, j'ai galéré un peu à me remettre dedans là, et finalement ça va, je suis à jour, je me suis arrêté à l'épisode 17. Alors plusieurs changements de statut dans Gotham, donc attention aux spoilers. Donc Fish Mooney qui a été destitué et qui a été capturé. Bruce qui fait exactement la même chose que depuis le début de la série. Wow. Et qui commence à mettre le nez dans les affaires de Wayne Enterprise de manière un peu plus concrète. Et Gordon qui a pécho. Ah, il a pêché au Morena? Ouais. Ouais, il a pécho, ouais. D'accord. Elle était over-open depuis le début, alors. Donc du coup, on a revu quelques méchants bien, bien connus de l'univers, ou plutôt leurs parents. Donc il y avait l'épisode avec les épisodes avec le docteur Crane. Qui fabriquait son fameux vaccin. Enfin, là, c'est du coup, c'est un vaccin contre la peur. Épisode plutôt classique, en fait. Dans Gotham, ça reste comme ça depuis le début. Il n'y a pas un épisode plus transcendant que Ouais, l'autre. la misère elle est offerte avec quoi. Ouais. Alors après, par contre, l'épisode avec le gang de Red Hood, qui a été pas mal décrié, que j'ai trouvé plutôt pas mal, en fait. Je l'ai trouvé extrêmement bien filmé, les jeux de lumière et tout, c'était vachement, vachement sympa. Et puis je trouvais pas que ça, comment dire, ça sodomisait l'histoire de Red Hood non plus, quoi. C'était pas. Non, N'y avait pas le mais tout. enfin, franchement, j'avais l'impression que c'était ça criait, voilà, un peu au scandale de tous les côtés. Mais non, j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa. Et Comme je crois que d'habitude, hein. c'était Ouais. un de mes préférés, je pense, Il n'y avait pas le de Joker aussi Gotham. qui est arrivé récemment? Ouais, c'est pas le Joker, mais ouais, Non, c'est pas. C'est c'est un des easter easter eggs egg. un peu relous, on va dire, mais et encore que sur ouais non sur Red Hood, franchement, ça allait, quoi. Et c'est pas le Bon, Joker qui est apparu là? non, oh, non. Ah ouais, C'est un j'avais. easter egg Enfin. au Joker, en fait. C'est juste que le mec il se met à rigoler comme un triso, mais sinon Ah ouais, d'accord, ok. ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, il dit pas. D'ailleurs, j'ai pas vu encore, j'ai pas regardé tout l'épisode du Red Hood parce que moi perso au début ça m'a un peu fait chier. Donc je pense même pas qu'on le revoit. Je sais même pas si on va le revoir d'ailleurs le pseudo Joker. C'est juste que tout le monde s'est excité parce qu'on a vu qu'il rigolait avec une tête, avec le jeu de lumière, il faisait un peu pâle, il rigolait, genre comme un psychopathe. Alors les gens étaient durs, oh mon dieu, c'est le Joker. Mais ça se trouve, on le reverra plus jamais ce personnage, quoi. D'accord. Mais non, c'est pas mal. Il y a l'intrigue avec Fish Mooney là, qui est Ils l'ont pas encore assez tué, elle est ridicule toujours là par en fait. contre. Hein. Non, mais à mon avis, Ouais, ouais. je pense qu'on va l'avoir un moment. Putain, ils auraient dû la buter direct quoi. Et faire Ouais. brûler son cabaret en bois aussi là. Oh là Elle y travaille hein, à se faire buter la Fish Mooney. là. Ouais. Sans en dévoiler plus, l'épisode 17, elle prend cher. Mais elle, de toute façon, je pense qu'elle va pas mourir parce que, comme on disait l'autre fois, elle travaille chez Warner. Son mari il va bosser pour Warner pour le film Suicide Squad. Et le fils, il parlait de lui pour faire à un moment donné une série sur Static Shock. Ouais. Donc. Ah oui, non, mais on n'est pas près de quitter Fish Mooney. Moi, même si c'est vrai que son personnage tourne un peu en rond, et t'es bien au début, mais je commence à le trouver un peu ennuyant, son personnage. Bah, c'est Ah, comme, puis comme toute la pègre de Gotham, je commence à la trouver un peu chiante à titre perso, quoi. ouais, ça devient un petit peu redondant. Et puis, mais bon, en même temps, ça passe tellement inaperçu tout ça, côté des apparitions de Barbara. Voilà, oui, Barbara, elle est tellement magnifique avec ses Birds of Prey version teenage avec. Barbara, c'est la meuf à Gordon, non? Voilà. Ouais. Maman à Jim Junior. Ouais, En ok. fait, ouais, ça j'ai vu, c'est n'importe quoi. Tu les vois qui passent changer. Enfin, tu la vois, la meuf, elle débarque chez elle, elle voit deux clochards qui vivent chez elle. Elle même pas, elle appelle les flics, elle s'en fout, elle fait du shopping avec, tu vois. Genre normal. Elles se font des sages de tenue et tout. Les deux petites, elles ont 11 ans, elles s'habillent comme des poufs. Ça passe ni vu ni connu, tu vois. Ah bon, il pas donné envie de m'y remettre, quoi. Bon, on va passer à Flash. ouais, Flash. Ah. Flash, Flash. J'adore, je kiffe. Moi, perso, je suis toujours aussi fan de la série. Alors, les deux derniers épisodes en date, ils ont fait très fort. Donc, c'était un double épisode qui était concentré sur Firestorm. Donc voilà, donc on a enfin eu la version de Firestorm. Bah, perso, au début, quand j'avais vu le costume, j'étais pas trop emballé, mais une fois qu'il est en animation, je trouve qu'il passe vraiment pas mal. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. On a eu donc on a eu enfin une révélation au choc avec Grodd. Donc en fait, on l'a vu de Grodd deux fois, donc ça annonce du très lourd. Ouais, là on spoil au fait, hein, si vous êtes encore là, on spoil sur les derniers épisodes de Flash jusqu'à la trêve d'un mois là. Vas-y, vas-y. Donc on a eu la double confirmation du grand méchant de la série, même si à mon avis pour moi ça en cache autre chose. Ouais, c'est sûr. Donc on va gros spoiler si vous n'avez pas encore vu. On sait qui est le Néga Flash, enfin le River Néga Flash, Flash. le River Flash, ouais. Le River Flash, ouais, voilà, donc c'est Wells. Maintenant, on s'en doutait déjà depuis la mi-saison, mais là, carrément, il enlève un militaire et il se découvre le visage. Maintenant, pour moi, ça cache autre chose qu'il faut pas oublier que la visite a frappé son très cher petit-neveu. Ouais, mais ça, je pense que c'est il y en a encore un autre. Mais là, moi, je trouve hein, que la Ouais. plus grosse révélation, c'est même pas celle-là, c'est que il trouve le sang et qu'en fait le sang, Ah oui, c'est Barry, oui, bien sûr, voilà, oui. c'est le Barry adulte, quoi. Je pense Ça, que plus. on s'en doutait un peu depuis l'épisode où on voit qu'il y avait deux speedsetters qui se tournaient autour, vu qu'il y avait du blanc et du rouge, on s'en doutait un peu qu'il y en avait un autre. Maintenant, c'est la confirmation donc du voyage dans le temps. Le Barry de notre époque est bien retourné dans le passé pour essayer d'affronter ça. Donc Wells, il a échoué. Maintenant, ben ça file droit vers Flashpoint, vu qu'il a Ouais, mais clairement après annoncé la couleur. on sait pas si le jaune c'était Wells dans le passé. Ouais, ce sera, enfin, c'est pas peut-être pas Wells, ce sera le Harry vs Flash maintenant, lequel? Ouais, Mais on... Wells, c'est Barry. Ça c'est possible aussi en fait, hein, en fin de compte. J'en suis sûr, hein, depuis le premier, là, ils ont trop la même gueule, trop la même morphologie, c'est. C'est vrai que c'est possible, ce serait vraiment un gros truc coup du sort. Maintenant, ouais, Wells, c'est un peu spécial, vu qu'il fait un truc gentil, un truc méchant. C'est maintenant, Barry, j'imagine vraiment mal Barry devenir comme ça, quoi, tu vois. Enfin, ça me ferait mal de voir que Barry a si mal tourné. Maintenant, évidemment, je suppose que si ça arrive, bah, ils vont changer le cours du temps. Maintenant, ouais, donc Barry a clairement annoncé la chose, il va s'entraîner pour sauver sa mère. Bon, maintenant, on sait tous ceux qui ont lu le comic savent ce qui arrive le jour où il sauve sa mère. Ça serait pas mal, tu vois, une saison 2 où ça se passe comme Flashpoint, où t'as les mêmes acteurs mais qui jouent des rôles différents en quelque sorte. Je dirais pas une saison entière, mais ouais, j'aimerais bien 2-3 épisodes, un truc Ouais. vraiment. Un triple Ouais, épisode, t'as tu vois, un raison. truc de Peut-être fou. qu'une saison ça serait long, mais sur 3-4 épisodes, ça pourrait être vraiment pas mal, ouais. Ouais, mais qu'ils assument le truc à fond comme dans Flashpoint, tu vois, que ce soit vraiment un truc de ouf et qu'il n'y ait pas que 2-3 trucs qui changent, mais vraiment le monde qui est carrément basculé, ce serait vraiment. Ouais, ce serait pas mal. Donc, ouais, donc Flash, en plus, on a une pause d'un mois maintenant, ça fait mal, surtout après les 2 derniers épisodes avec Firestorm qui était vraiment énorme. J'ai vraiment kiffé l'animation du personnage, comment ils l'ont géré et tout, je trouve qu'il avait vraiment un style. Mais t'es assez ouf, je trouve. Ouais. Donc ouais, la série, franchement, Flash, elle est toujours aussi bonne. Enfin, il y a eu un petit moment de mou pendant 2-3 épisodes, mais là, les Ouais, deux elle est bien derniers repartie, ouais. épisodes, Bon, elle est après, ils font repartie, mais chier, vraiment. encore faire une pause d'un mois là, ça commence à me gaver ça. Ouais, ça, mais la CW, elle a l'air. L'année passée, ils avaient fait pareil avec Arrow. Enfin, Arrow, c'était. T'avais une semaine un épisode, 2 semaines sans épisode, une semaine un épisode. Bah là, c'est pareil, on va parler d'Arrow, mais Arrow, c'est pareil, hein. Il repart en pause pendant un mois, je crois, non? Sûrement, ouais. Bon, à mon avis, ouais, pour être calé sur Flash, vu qu'il va y avoir un crossover, Ouais, c'est ça. un mini crossover entre les deux séries. Et Mais. toi, Spectra? Ton Sur avis? Flash, Ouais. c'est génial, là, le niveau a bien, bien remonté. Et puis, c'est vrai que Harrison Wells, c'est trop intriguant. C'est super bien foutu. Il joue super bien en plus. Donc, ouais, puis Grodd, enfin, pourtant, je suis pas. Grand connaisseur de Flash, mais j'ai trouvé ça monstrueux. Firestorm, le costume finalement était pas mal. Et ouais, non, enfin le professeur Stein et tout, lui aussi extrêmement bon acteur. Donc puis ouais, Grant Gustin, il se débrouille vachement bien dans le rôle, quoi. Donc non, franchement, une tuerie Flash. Hein. Ouais, j'ai grave hâte d'être dans 3 semaines quand on voir la suite. Ouais, c'est clair. On va passer à Arrow donc. Donc là Arrow, bon bah ça a un peu mal bougé donc depuis la reprise. Donc il est réapparu donc dans la série, il avait été soigné par les deux japonais là, je me rappelle plus de leur nom. Donc il est retourné à ouais, Tatsu ouais, et l'autre je sais plus comment il s'appelle. Katana Ouais en voilà, on va devenir. dire ça, c'est plus facile. Bah, Tatsu, c'est Katana en fait. Ah ouais, et le mec il s'appelle comment? Je sais plus, j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. Et donc bon bah voilà, ils sont revenus et donc là les derniers épisodes en fait j'ai bien aimé parce que ça a évolué. Donc Théa, elle a enfin appris. Donc là, on spoil encore, les gars. Théa, elle a enfin appris que c'est elle qui avait buté Sarah. Et surtout, ce qui m'a encore plus fait kiffer, c'est que l'épisode d'après, Théa, elle va le dire directement à Laurel. Donc au moins, ça évite des sous-entendus et puis des jeux d'acteurs où elle est là, elle sait pas trop ce qu'elle fait par rapport à Laurel, est-ce qu'elle lui dit, est-ce qu'elle lui dit pas. Donc là, elle l'a dit, c'est fait, c'est réglé. Voilà, donc on a eu quelques séquences où Donc Arrow, il se rend compte qu'il faut qu'il soit entraîné par Malcolm Merlyn pour pouvoir être au niveau de la Ligue des Assassins. Donc ça, j'ai trouvé l'idée sympa. Voilà, on n'est pas tout le temps ennemis. Des fois, il faut qu'on s'associe, même si c'est pas très catholique, on va dire. Donc c'est bien reparti, notamment là le cliffhanger, là, comme quoi Arrow, il deviendrait le nouveau Ra's al Ghul. Ra's al Ghul veut qu'il le devienne. Donc moi, ça, j'ai trouvé cool. Le seul défaut que j'ai trouvé sur les derniers épisodes depuis que ça a repris, c'est l'épisode avec Deathstroke. Ça, je trouvais que c'était une catastrophe. Je trouvais que c'est un épisode fill-in où il se passait absolument rien. Ils ont fait revenir sur l'île en fait pour rien. L'autre, il est libéré pour rien. Ils se battent. L'autre, il a des dialogues de Deathstroke. J'ai trouvé ça trop pourri. Les combats, ils étaient minables avec la caméra ultra près pour accentuer l'action. Mais tu voyais trop que les mouvements, ils étaient pourris dans les chorégraphies. Donc, vu le traitement du personnage sur la saison 2, le faire apparaître pour ça, je trouve que c'est une injure. Ils auraient pas dû le remettre. Vos avis? Ben moi mes yeux saignent quand je vois Raw, je trouve ça tellement moisi. Mais t'es Enfin, un malade. j'arrive plus, je trouve ça tellement nul, sans intérêt, c'est bidon, je trouve. Ben ouais, comme tu dis, l'épisode sur l'île, c'était à chier, il y a aucun. Je veux dire, il y aurait tellement eu mieux à faire, quoi. Maintenant, le dernier épisode dont tu parles, ben, Laurel, elle me fait chier parce que si, quand elle chiale pas, ben, elle fait n'importe quoi. Maintenant, ouais, ça, le seul truc positif pour moi, c'est comme tu dis, bah, c'est qu'ils n'ont pas tergiversé pendant 6 épisodes. Bah, l'autre, elle a appris, elle balance tout à tout le monde, comme ça au moins, bah, c'est fait. C'est Il n'y a plus clair. besoin de chipoter. Maintenant, Atom, Ah, j'ai bah, oublié Atom, en Atom. fait, Iron Atom pour moi, parce que je sais pas, est-ce que Iron Man va arriver dans la série, j'ai pas très bien compris le kiff. Parce que pour moi, Atom, bah, c'est un mec qui devient petit, quoi, tu vois. Bah, là, c'est un mec qui a des répulseurs et qui vole et qui a une armure de combat, donc. J'ai peut-être pas les mêmes références qu'eux, je sais pas, mais je trouvais ça un peu spécial. Voilà, on s'en bat les Maintenant, je dis couilles. à voir, à voir. C'était kiffant quand même. C'est un peu du taunt gratuit, mais. Ouais, mais quand il monte ça, moi j'ai kiffé. Après, ça va sûrement changer, je pense. Mais sur le J'espère, moment, quand tu vois j'espère. l'image, c'était énorme. Bah, moi, sur le. Bah, je t'avoue, quand j'étais sur l'image, je l'ai vu ce matin, j'étais un peu what the fuck, j'étais evil. Maintenant, par contre, ce que j'ai pensé, je me suis dit, c'est que je me suis dit, bah, c'est que la CW, on se moque d'eux, mais ils ont quand même été foutus de mettre un mec qui vole et tout, alors que. Agents of Shield, ils sont pas foutus de faire apparaître un caméo d'Iron Man dans leur série pourrie, tu vois. Donc je me dis, CW, ils font peut-être des trucs un peu bizarres, mais au moins ils ont le culot de le faire. Bah, c'est vrai qu'ils s'assument, hein, ils vont à fond, quoi. Ils en ont rien à foutre, quoi. Maintenant, le Des truc fois, avec ils Ra's devraient al pas, Ghul, mais. Pardon, vas-y. je dis ouais, maintenant le truc avec Ra's al Ghul, j'ai un peu pleuré parce que bah, je dis Bruce Wayne, il va se retourner dans sa tombe, ou il va revenir, il va leur coller un procès ou un truc dans le genre, parce que le mec. Enfin, j'ai trouvé ça un peu abusé, quoi. Arrow, il est carrément pas du tout du niveau de Batman. En fait, le seul truc qu'il a eu, Arrow, enfin, j'ai pas trop compris ce que Ra's al Ghul, il lui fait, ouais, genre, t'as survécu et tout, t'es un combattant, donc tu vas me remplacer. En fait, Arrow, à part survivre d'une chute de 25 mètres, ok, c'est un exploit. Mais à part ça, bah, il a pas fait grand-chose, il se fait rouster comme une grosse tarlouse et il sert à rien, quoi. Ouais, Donc je trouvais ça un peu il a dû épique. avoir vent de ses exploits en tant que héros, quoi, je pense. Ouais, enfin, je trouve qu'en tant que héros, Arrow, justement, il a pas encore fait tant de trucs de ouf que ça, quoi. Mais après, voilà, les gens ils disent que ça plagie trop Batman, mais au moins, voilà, ils se servent de l'univers et puis ils réinterprètent, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Moi, je préfère Ouais. ça qu'un truc bridé où ils peuvent pas faire un truc parce qu'un tel il est pas là, un tel il est dans le film, un tel il est dans le truc. Là, au moins, avec ce qu'ils ont, bah, ils font absolument tout ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, j'aurais préféré un peu plus de créativité et d'innovation que reprendre des trucs de Batman alors que ça appartient à l'univers de Batman et qu'il le plagie sur Arrow. Je Ouais, trouvais mais ça dans Arrow, il n'y a je pas trouve un grand peu monde, hein. dommage. Dans Arrow, il n'y a pas grand monde, hein, comme vilain. T'as bien vu, Vertigo, toutes les fois où il est venu, c'était complètement nul à chier. Donc, C'est vrai. et puis ça parle à tout le monde, Ra's al Ghul, tu vois. Ouais, enfin, moi je suis pas du tout fan de cette saison 3, j'ai vraiment du mal. Il y a quelques épisodes, ça passe, je pense que c'était il y a 3 épisodes, j'avais plus apprécié. Puis l'épisode sur l'île que j'ai trouvé à chier. Cet épisode-ci, je l'ai regardé, il était pas nul, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont dérangé, quoi. Mais sinon, enfin en tout cas, un truc bien, c'est que depuis 2 épisodes, Felicity ne se chiale plus, donc c'est pas mal. Ouais. Ah, j'ai Donc trouvé ça pas mal, moi, Arrow. Je trouve que ça poursuit son petit bonhomme de chemin de manière assez sympathique. J'ai bien aimé, m'a bien fait triper le retour d'Oliver dans la ville. Donc, ouais, non, Arrow, ça va, ça passe toujours. Ça passe toujours. Je trouve ça sympa. Puis on est débarrassé de tous les secrets pourris, là. ouais, c'est Puis clair. la mort de Spoil, la mort de Black Canary aussi. Le père de Laurel est enfin au courant. Donc, Ouais, ouais, ça s'est fait d'ailleurs. aussi. Ouais, Ce qu'ils non, vont là faire c'est avec la vrai que. suite, ça a l'air un peu bizarre. Avec bah, le résultat de ça, c'est qu'apparemment, je ne sais pas si vous avez lu les rumeurs, mais apparemment, le capitaine bah, Lance, il va un peu péter les plombs de nouveau et il va commencer à pourchasser Ouais, bah la dis rien, team. dis rien. Moi je lis pas les rumeurs sur les séries parce que ça me Ouais. gâche tout à chaque fois. Dis rien, dis rien. Ouais. Non, mais au moins ça s'est fait. C'est vrai que toutes les petites intrigues ou quoi qui pouvaient être chiantes sur la longueur, comme par exemple, rien à voir, hein, mais bon, dans Blacklist, ça joue sur un malentendu depuis 2 saisons. La meuf, elle est con, elle a pas envie de comprendre. Là, au moins, voilà, en 2 épisodes, tac, c'est réglé, tout le monde est au courant et on repart sur autre chose, quoi. Donc, ça, sur ça, c'est vrai que sur ça, ils se gaffent. Faudrait que sur Flash, ils fassent pareil, qu'ils comprennent tous vite qu'ils se font baiser depuis le début. Mais ouais, j'aime bien quand c'est efficace que ça Flash, avance. je trouve ça plus intéressant. Enfin, je veux dire, Flash, je trouve ça plus intelligent la manière dont c'est mené. Le truc de Wells, c'est que ça gâche pas l'intrigue. Ils en font pas des clins d'œil comme ils ont pu faire sur Arrow à certains moments. Ouais, mais faut pas non plus que ça traîne pendant 8 ans, quoi. Faut quand Oh même non, bah, que. à mon avis, ce sera réglé à la fin de la saison, quoi. Mais Voilà, je veux dire, par j'espère que. exemple, Voilà. sur Arrow, pendant 2 saisons, quoi, chaque fois qu'il racontait des histoires bidons à sa sœur et à sa meuf et tout, bah, à chaque fois, c'était un peu gnangnan et ça tire en longueur. Genre, non, mais Ouais, c'est mais un con, il m'aime pas, tu vois. c'était pas capital, ça, qu'elle sache pas sa sœur. C'était pas important. Mais là, Non, c'était non, mais je veux dire, important. ce qui était chiant, c'était les moments de doute, etc., tout le temps, ou avec sa meuf, par exemple. Chaque fois, genre, il se rapprochait d'une meuf, et puis après, elle s'était là, ah, mais putain, t'es un con, ce que tu mens, et tout, tu vois. Ouais, mais Maintenant. je trouve que c'était. Je suis d'accord avec toi, mais c'était quand même moins important que là, quoi. Là, c'était quand même un truc capital, quand même. Une Voilà, autre, ça elle est sert à morte. l'intrigue, surtout. Le père, il sait pas. C'est l'autre qui a tué la sœur. Tu vois, c'était. Je trouve que c'est bien qu'ils aient vite réglé l'histoire, quoi. Ouais, Enfin c'est bon, que ça donc traînait quand même depuis un moment avec Laurel. on est Laurel, ça et... devenait un peu n'importe quoi. C'est vrai que je suis content parce que Laurel, à partir du moment où elle a commencé à faire des appels téléphoniques en faisant pour passer pour sa sœur, je trouvais que ça devenait un peu tiré par les cheveux. Là, maintenant, c'est vrai que c'est réglé, on n'en parlera plus. Donc, mais apparemment, ça va quand même avoir de lourdes répercussions sur la série. Donc, Par contre, j'espère qu'ils vont pas encore nous faire la scène où elle reboit et tout, parce que là, ça va me saouler par contre. où elle est quoi? Ou qu'elle se mette à reboire, ou qu'on revoie Lance qui lui aussi se remette à reboire, ça va me saouler par contre. J'espère que aussi ça va être vite réglé. À la rigueur qu'il bute Lance, au moins c'est fait, tu vois. Ouais, je sais pas. Lance, je sais pas s'il va mourir tout de suite en tout cas. En tout cas, il sera dans le caméo bientôt. Ok, bon, on va passer à Constantine, donc Spectra, toujours toi. Hein. Ouais, bah Constantine, du coup, hein, je persévère pour vous. La dernière de l'année. Ah, de la vie. Et ben, bon, bah, c'était pas mal, sauf que du coup, la série s'est retrouvée à avoir 13 épisodes alors qu'à la base, elle devait en avoir beaucoup plus. Donc les intrigues ont été un peu. On était un peu vite torché, donc ça reste du Freak of the Week et puis voilà, il s'est pas spécialement passé grand chose depuis la dernière fois où je vous en parlais. On attend toujours la levée des ténèbres, on a eu un cliffhanger pourri à la fin, Tu vas attendre puis longtemps, hein. voilà. La levée des ténèbres, tu vas l'attendre longtemps, je crois. Tu vas l'imaginer, je pense. Ah, je crois que je peux me la mettre là où je pense, la levée des ténèbres. Mais bon, bah apparemment ça se mobilise hein, sur le net. N'oubliez pas le hashtag Save Constantine. Mais ouais, Ouais. j'espère vraiment qu'il y aura quand même une saison 2 parce que tu sens que là, bah, du coup, ils étaient bridés à mort quoi, sur cette saison 1 qu'ils avaient commencé de manière catastrophique. Donc j'espère vraiment qu'ils pourront faire une saison 2 qui, à mon avis, pourra être quelque chose de génial. Ouais, Mais peut-être. là, le petit bilan de la série, c'était ouais, c'est du sympa, sympa sans plus, quoi. Si ça va sur Sci-Fi, aïe aïe aïe. Moi, je suis Ah sur le hashtag D de Constantine. ouais. Voilà. Non mais ouais, sci-fi, c'est bizarre quoi. Enfin, en plus, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il parle de mettre sur sci-fi, en plus de changer le titre de la série, mais garder la continuité de la série. Ça me semble un peu chelou. Je me dis que c'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner des téléspectateurs quoi. Ouais, c'est complètement foireux. Ouais. C'est complètement foireux. Ah, ça, au maximum, ça s'arrêtera à la 2, hein, je pense que. En tout cas, c'est dommage parce que l'acteur principal, je l'aimais bien et puis l'actrice aussi. Ouais, ça faisait plaisir. Ouais. Moi, je m'y suis toujours pas mis. En fait, je pense que je vais attendre si elle est renouvelée pour une saison 2. Je vais peut-être me laisser tenter par suivre la série, en fait. Tout dépendra. Donc, au mois de mai, je me lancerai Franchement, peut-être. si t'as du mal avec Arrow, sais pas si tu vas kiffer. Bon, c'est pas vraiment pareil, hein, c'est différent, mais bon. Ouais. C'est sympa, hein, mais c'est largement dispensable. Je pense qu'il y a d'autres séries à mater plus intéressantes que ça. Ouais, c'est Il y a clair. Supergirl qui arrive, là. Oh, youpi. Ah ouais, Supergirl, là, tu me vends du rêve. Ouais, putain, carrément. Bon, on va passer par les comics, les reviews comics VF. Alors, Vinch, c'est toi le. On Alors, ce t'écoute. mois-ci, donc, j'ai acheté 3 comics, mais je vais en reviewer que 2, vu que j'ai pas encore fini l'autre, donc ce sera pour le mois prochain. Donc, j'ai Paul Dini présente Batman. Alors, donc, ce sera une série en 3 tomes, donc scénarisée par Paul Dini. Alors, ben, ça, donc, le premier tome, il paraît que c'est le moins bien des trois, apparemment. Donc, ça se passe, c'est du détective comics, c'est surtout des histoires, je veux dire. Donc, c'est une compilation, mais en même temps, chaque single représente plus une histoire, je vais dire, de recherche, etc. Donc moi j'ai bien aimé parce que ça revient plus dans le rôle de détective justement. On voit Batman dans la ville qui cherche, qui fouille, qui pose ses enquêtes. En plus les dessins sont parfaitement adaptés. Donc c'est dessiné par si je dis pas de bêtises, par John Williams 3. Ouais, D'accord. c'était ça. Celui qui est sur Donc, Batwoman. Qui ouais. était sur Batwoman, Ouais. d'accord. Ah, ça doit être beau alors. Bah ouais, bah perso, j'ai plus kiffé encore ses dessins dans Batman que dans Batwoman. D'accord. Je sais pas si. Ouais, non, franchement, les dessins sont beaux. Je me suis bien pris à l'histoire, dans les enquêtes, etc. J'ai vraiment bien aimé. Alors que quand on me dit que c'est le tome le plus faible, bah, je me dis que j'ai hâte de lire la suite. D'accord. Donc. Mais par contre, tous les dessins ne sont pas de lui. Hein. Il y a du D'accord. Joey Benitez aussi. Mais je veux dire, la plupart des dessins sont de John Williams 3. D'accord. Don Kramer aussi, c'est. Donc on y retrouve plusieurs vilains. Donc il y a le Sphinx, le Joker, le Pingouin, des vilains encore inconnus, l'empoisonneuse. Et donc tout ça se passe, si je dis pas de bêtises, ça se passe ben, après Infinite Crisis pour la chronologie. D'accord. Donc le premier tome s'intitule La mort en cette cité. Le deuxième tome qui paraîtra sera Le cœur des silences. Donc ce sera la suite de Hush qui était par qui est, qui avait des, qui était des, qui est déjà paru sous le truc Silence. Et Silence, donc ouais. le tome 3 sera Les rues de Gotham. Donc franchement c'est un comics pour ceux qui aiment bien Batman. Bah, je le conseille. Paul Dini fait du super travail dessus. Les dessins sont agréables et l'histoire on sait se prendre dedans dans les enquêtes. On a envie de suivre. On a envie de continuer cette histoire et franchement ouais, c'était du très bon. J'ai passé un bon moment à lire ce comics. Ça faisait longtemps que j'avais plus kiffé un comics Batman à part ce Snyder. Oui, lancez-moi des trucs, j'aime bien Snyder. Ah mais tu sais, chacun ses good shots, hein, on respecte tout le monde ici. Ouais. Sinon, ben, ma seconde lecture, c'est Aquaman, tome 4, donc Tempête en eau trouble, par Jeff Parker et Paul Pelletier. Oh là là. Là, j'ai beaucoup moins kiffé. Ouais, c'est merdique. Enfin, wow. Moi, j'ai arrêté là, quoi. Vas-y, vas-y. On... C'est Autant quand j'avais il... bien aimé avant quand c'était Jones dessus, et même le Ouais. tome précédent avec Parker, j'avais encore bien aimé. Mais là, ça devient vraiment très light. Les histoires, ça se passe entre la légitimité d'Aquaman en Atlantis, toujours. Puis c'est tout. Enfin, je veux dire, ça se passe. C'est une succession de petites histoires, mais C'est là où sans il y a grand intérêt, Hercule quoi. ou pas? Ouais, il y a Hercule, effectivement. Mais Hercule, Ouais. il est torché en 3 pages et demie. Ouais, c'est Dragon Ball Z quoi, il y a que de la baston. Ouais, c'est de la baston. De la baston, il n'y a encore pas de la baston hyper bien faite. Et au long, on a Swamp Thing aussi. Bah déjà, ouais, j'aime pas trop, je vous l'ai dit, Swamp Thing. Donc, c'est vraiment pas le truc qui m'a fait kiffer le petit crossover, le team-up avec Swamp Thing. Ouais, non, franchement, l'histoire, hyper dispensable. Les graphismes sont. Enfin, les dessins, les graphismes. Je joue trop aux jeux vidéo, moi. Les dessins sont très inégaux. On a Wonder Woman qui va faire un tour aussi. Mais franchement, ouais, c'est vraiment dispensable. C'est pas le truc. C'est parce que je suis la série que je me dis ça ira peut-être mieux, mais je m'attendais vraiment à trouver un truc mieux. Le run de Jones, il s'arrête au combien? Au 3? Au 3, ouais. Moi, je suis Quoique non, le début, c'est moitié-moitié, je pense. Si je dis pas de bêtises, je pense que Jones a fait une partie du 3, mais pas tout en entier. D'accord. Bah, moi, je m'arrêterai là. Je suis étonné quand même qu'il publie le travail de Jeff Parker. Apparemment, maintenant, c'est redevenu bien, mais moi, quand j'avais continué, j'étais assez dégoûté quand même. Voilà, donc Joe Jones, le tome 3, c'est la mort du roi, et je pense que Jones, si ça s'arrête au mieux, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est en entier. Ouais, bon, bah je m'arrêterai au 3, Donc, il faudrait que je les achète ouais, donc celui-là. le 3, c'est juste avant ou après Atlantis, je sais plus. Ok. Ah bah merci du conseil, je m'arrêterai au 3 Donc, ouais, alors. jusqu'au tome 3, bah, c'est ça qui m'a déçu, c'est parce que le tome 3, j'avais quand même encore bien kiffé, puis avec Throne of Atlantis, j'avais hâte de voir la suite d'Aquaman, et puis là, je me suis tombé là-dessus, je me suis dit, bah putain, c'est quoi cette bouse en fait, tu vois. Ouais. Non, c'était franchement, c'était mauvais. J'ai pas passé un bon moment de fin de lecture. C'était, ça se lisait, mais je veux dire, j'ai pas. Je pense que dans un mois, j'aurai oublié ce que j'ai lu, quoi, tu vois. D'accord. Donc ouais, donc la suite sort en 2015. Maintenant, je sais pas si ça sera mieux ou pas. Ça s'appellera Longue vie au roi. D'accord. T'as vu des kiosques aussi ou pas? Bah écoute, je les ai pris, mais j'ai pas encore tout lu. J'ai seulement regardé Batman Saga parce que Ouais. j'avais envie de lire. Donc bah, c'était la suite donc de l'an zéro. C'est Zero souriant, Year, lance le nom, zéro. putain, lance Ouais, zéro, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. franchement, Zero Year, ça passe, tu vois, mais l'an zéro, des fois tu te dis pourquoi ils veulent franciser le truc, vu que c'est très bien le titre en anglais. C'est clair. Donc là, on continue, c'est Dark City. Donc, la cité sauvage, en fait. Non, c'est Ça va Savage City, encore. Savage City, pardon, je me trompe, c'est la partie 3. Donc, Savage City, cité sauvage, deuxième partie. Ça va en français, ça va. Ouais. Ouais, ça passe mieux. Donc là, on retrouve Batman qui est en mode Mad Max, là, tu vois. Ouais. Ouais, donc moi, j'aime toujours autant les décors, la colorisation. Je trouve que ça donne toujours autant. J'aime toujours bien l'histoire. Moi, franchement, Zero Year, pour moi, c'est. T'as beaucoup qui l'ont critiqué. Moi, je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Snyder va vraiment au bout des choses dans son délire. Ouais, mais t'as le droit, comme on a dit, hein, tu. Ensuite, il y a. Franchement, Après, ça, c'est ce que je kiffe. Second. C'est Detective Comics par Manapul et Buccellato. Ouais. Et ben ça, franchement, je kiffe, j'adore les dessins de Manapul, je trouve qu'il fait, c'est un dessinateur extraordinaire, j'adore. C'est clair. Et franchement, c'est au début, j'avais un peu peur de l'arrivée sur le type parce que sur Flash, il faisait des trucs vraiment très colorés, etc. Donc je me dis, sur Batman, ça, surtout sur Detective Comics, ça passera peut-être pas, mais en fait, je trouve que son style passe hyper bien. Bah eux c'est un duo, hein, ils travaillent ensemble, Buccellato il fait les couleurs aussi. Ouais. Donc ouais, c'est une sacrée équipe. Hein. Là ils montrent qu'ils Alors, c'est arrivent à top. s'adapter à tous les styles quoi. Ah, c'est clair. Ensuite, il y a Batman et Robin, mais ça, j'ai déjà lu en VO, mais je relis avec plaisir en VF. Ouais. Donc, c'était contre Ra's al Ghul, donc Batman et Ra's al Ghul. Donc, on se rapproche tout petit à petit de. En fait, c'est ce mois-ci, donc il est sorti le 34 est sorti hier. Hier, ouais, hier, je pense. Si je dis pas de bêtises, et là, on arrive avec Robin Rice, Omega One. Et D'accord. sinon, il y a Bad Girls, qui est toujours aussi mauvais. Ah, c'est C'est pas mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. nouveau run encore. C'est encore l'ancien. Non, c'est encore l'ancien, bon, on est Ah, au numéro d'accord. 31, donc c'est à partir du 37, je pense, le nouveau run, donc on est 35. encore 6, 35, je crois. 35? Il me Ah. semble. Donc on a encore alors plus que 4 mois de trucs horribles à vivre avec, avec ce scénariste immonde qui est Gail Simone. Puis alors à la fin, ils ont décidé de mettre les légendes du Chevalier Noir, donc Legend of the Dark Knight. C'est plusieurs petits ongoing qui présentent, ongoing, ce que je dis, des petits One shot. one-shot, voilà. Si j'utilise pas les bons termes aussi. Donc des petits one shoot sur One shot. ouais one shot je vais y arriver one shoot c'est Ouais. mon franglais sur les différentes époques du Chevalier Noir bah c'était pas super intéressant mais ça se laisse lire mais c'est pas vraiment je pense que c'était du si je dis pas de bêtises c'était du numérique à la base qu'ils ont remis en version papier Je crois que c'est ça, ouais. donc je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont mis ça ou pour combler quelques pages dans le comics. Sinon, il y a Superman Saga hors série 1, mais j'ai pas encore lu Le Retour de Kara dans Superman Saga, donc je le chroniquerai le mois prochain. Ouais, bah ça De va. toute façon, on Ou... a le temps, vu que le prochain, je pense, sort dans 3 mois. Le prochain quoi? Le Ah, Saga prochain hors série? Saga hors Ah, série, ouais. ouais, d'accord. Parce Ok. qu'ils ont toujours pas décidé. On va passer Voilà, voilà. au Comics VO alors. Alors, avec donc du Batman 39, donc Spectra. Oui, du Batman, donc du Snyder, du Capullo, donc du très bon Batman. Hein. Ce mois-ci, franchement, j'ai adoré Endgame. On va spoiler, donc vas-y, tu peux tout dire, il n'y a pas de problème. Le Joker est de retour, le Joker fout le bordel, Gotham est comme d'habitude à nouveau dévasté. La nouveauté, c'est que Batman maîtrise plus rien, est complètement paniqué, n'arrive pas à élaborer de plan en particulier. Il y a la question en suspens des origines du Joker qui serait peut-être une espèce de croque-mitaine présent dans Gotham depuis plusieurs centaines d'années. Donc du coup, il va prendre un petit cours d'histoire auprès de la cour des hiboux, qui Ouais. ne s'avère finalement pas très concluant. Et dans ce numéro, donc il y a situation désespérée et action désespérée. Donc du coup, il fait appel à l'ensemble des vilains de Gotham pour l'aider à stopper le Joker. Donc c'est l'avant-dernier numéro et il est extrêmement extrêmement intense, extrêmement violent. Il y a beaucoup de questions en suspens, il va réussir à tout boucler ou il va tout rusher comme d'habitude parce qu'il reste plus qu'un numéro? En fait, il n'y a qu'une question en suspens finalement. Il n'y a que la question des origines du Joker qui a D'accord. réglé. Et puis comment il va pouvoir stopper le Joker. Mais du coup, il n'y a pas masse d'intrigue en fait là-dedans. D'accord. Puis surtout le sort réservé aux autres membres de la Bat Family, parce que du coup, tout le monde souffre. C'est assez bien violent. Hein. D'accord. Et ouais, puis là, il a été interviewé par Comic Vine là, il y a pas longtemps, Snyder, et il annonçait vraiment un gros changement de statu quo post-convergence. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite là. Moi, je pense qu'il va te faire une révélation choc dans les dernières pages. Et après, tu vas attendre 2 mois avant d'avoir la suite. Je pense que ce sera réglé. Endgame, je pense pas qu'ils vont attendre après convergence. Je pense qu'ils vont passer à autre chose carrément. Non, mais Ouais. je pense que le truc qu'il va révéler, ce sera carrément énorme. et ça va être dans les dernières pages. Et du coup, pendant 2 mois, tu vas te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va avoir au retour, quoi. Tu vois? Je pense que ça va être un truc comme ça, pour te faire revenir après Convergence. Sûrement, ouais, mais Je pense ça pas va que ça va être. finir sur l'arc normalement, et après t'attends 2 mois pour avoir un nouvel arc. Je pense que là il va se passer un gros truc énorme qui fait que tu vas vraiment attendre le numéro d'après Convergence. J'espère pas, j'espère qu'ils vont régler leur truc. Et j'espère que du coup le prochain arc de Batman se passera longtemps après, enfin au moins quelques mois après, après Endgame, quoi. Mais il avait dit de toute façon maintenant je crois qu'il ferait que des petits arcs en 3 numéros jusqu'à la fin. Et ça lui a réussi plutôt bien, les petits arcs à Ouais. Snyder en plus, donc. Là, Endgames, ouais, c'est une tuerie. T'as les trucs, le Joker, il est carrément overflippant. Ouais, c'est clair. Ce qui se passe dans la Batcave est assez énorme aussi. Donc, Ah, vous le il conseillez est... celui-là. ah ouais, grave, grave. Ouais, Batman, il est franchement. foutu, là. Bon, bah, j'irai lire ça Batwoman alors. est dans la merde aussi. Ouais. Bon, on va passer au Flash 39. Donc, toujours pareil, Venditti et Van Jensen et Brett Booth au dessin. Donc, l'histoire continue. Bon, c'était un peu longué là dans le dernier épisode. Donc, on a toujours le Flash dans la Speed Force. Donc, là, il va se rapprocher du but. Enfin, le croit-il pour pouvoir retourner, on va dire, sur Terre. Mais bon, il va se passer un twist dans la dernière page qui fait qu'un personnage avec qui il était depuis le début dans la Speed Force, bah en fait, il va révéler sa véritable identité. Donc là, même si c'était un peu attendu, le twist, j'ai trouvé ça efficace. Et sinon, l'autre enquête, donc avec le futur Flash sur Terre, donc il y a Iris et Patty. Donc même si elles s'aiment pas trop, elles vont devoir collaborer parce qu'elles ont ça, elles ont capté que Future Flash, c'est pas vraiment le vrai Flash. Il est plutôt ultra violent dans son traitement des autres. Et donc voilà, on a ça au milieu. Et donc là, c'est pareil, on va dire qu'elles ont assez vite réalisé. Donc ça, c'est quand même une bonne idée aussi. Et on a un autre vilain aussi, pareil. En fait, quand ils avaient trouvé des cadavres dans le conteneur, il y avait un des cadavres en fait qui appartient à un autre vilain, Overlord, qui avait été teasé dans les précédents numéros, là, quand le futur Flash il se rapprochait de notre époque. Et donc là, on va avoir un début de combat qui va s'engager entre les deux personnages. Voilà, bon ben on arrive à la fin. Le prochain, je pense que ce sera le dernier pour cet arc. Ouais, il y a plus de rythme que dans les précédents numéros. Donc voilà, j'attends la conclusion. Je pense pas que ça va être sensationnel, mais bon, j'ai hâte qu'il revienne et que Future Flash y dégage. Parce que l'intrigue sur Terre, elle est quand même un peu longue. C'est un peu relou, quoi. Donc voilà, toujours pareil. Pour les gens qui suivent Flash, pour les autres, attendez après Convergence pour démarrer sur une nouvelle aventure, quoi. Ça vaut pas le coup, je pense, de tout se retaper depuis le début, quoi. Donc voilà, je suis le seul à avoir lu le Flash. Tout à fait. Ok. C'est ça. On va passer à Green Lantern 39. Ouais, donc Green Lantern 39, bah, ça continue sur la lancée du 38 en fait. On pensait que ça que le 38 était simplement une courte pause, mais au final L'équipe créative, c'est qui? C'est Venditti et le dessinateur. Oulala, le dessinateur, le nom exact, je sais même plus. Ouais, c'est pas grave. Je t'avoue que j'ai pas trop fait attention au nom du dessinateur. J'ai lu la série, mais. Il dessine bien, donc j'ai pas été choqué outre mesure. C'est pas du, mais c'est le même depuis le début en fait. Ça fait, enfin, D'accord, depuis le voilà. début, depuis le changement d'équipe créative, il a pas changé. Ouais, bah c'est moi, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est pas Ouais, grave. je me souviens plus non plus. Vas-y, vas-y. Bah sinon, bah ouais, donc Green Lantern 39, bah, ça continue sur la lancée du 38. C'est toujours un peu entre deux eaux, quoi. On voit que c'est qu'ils attendent la fin, qu'ils attendent Convergence un peu pour relancer, enfin le dernier numéro pour lancer leur truc choc et. Donc là, bah, t'as Hal Jordan qui est rappelé sur Oa pour attendre la décision des gardiens. Choc. Donc en fait, au final, ils ont réfléchi, ils trouvent qu'il a fait du super bon boulot, qu'il a trop bien géré ça. Et donc, ils veulent le garder avec eux. Bah, là-dessus, Jordan, il est un peu what the fuck, il se dit, il se fout de ma gueule en fait. Mais sinon, bah, voilà, en fait, il se passe rien dans le numéro de nouveau, à Je crois que part. je l'ai lu, tu vois. Maintenant que tu m'en parles, j'ai lu, mais c'était tellement rien passé que Ouais, il s'est rien passé j'ai en fait déjà au oublié, ouais. final. Ouais, il retourne sur Oa, il discute avec les gardiens, il discute avec les autres, sur l'avenir du corps, etc. Bah voilà, c'est fort. Bah, on voit qu'il se passe pas grand-chose. Donc apparemment, dans le numéro 40, il va se passer un truc qui va chambouler le corps. Mais là, on voit que le numéro 38 et 39, en fait, il se passait rien. Ouais. C'est juste parce qu'ils avaient rien à faire, ils attendent juste Convergence pour boucler la boucle. D'ailleurs, en fait, toutes les séries, j'en parlerai après dans les autres, mais toutes les séries Green Lantern, bah, il se passe pas grand-chose, en fait. D'accord. Ouais, donc pareil que Flash, quoi. Si t'as pas suivi, commence pas maintenant, attends après Convergence pour repartir, Ouais, quoi. là ça sert à rien, je veux dire, à part le numéro 40 qui sera à mon avis intéressant vu que ça va bousculer tout le Green Lantern Verse, bah, c'est le numéro 38 et 39, il y a vraiment aucun truc intéressant. C'est juste des moments pour Al Jordan, quoi. Mais je veux dire, c'est pas, ça Ouais, apporte rien à l'univers et ça vaut pas le à la coup, ouais. mythologie. Ouais, c'est clair. Ok, on va passer à Batman et Robin 39. Eh ben encore du super Batman, hein, ce mois-ci, décidément. Donc Robin est revenu, Robin a des pouvoirs, et Robin essaye de faire une justice un peu plus expéditive encore que celle de son père, qui le requête sévèrement. C'est du bon Batman et Robin, c'est assez touchant, c'est bien écrit, c'est assez drôle. Il y a des enjeux quand même importants, notamment sur la fin, où Batman se rend compte qu'il n'arrivera pas à gérer son fils, qu'il n'arrivera pas à gérer son fils seul. Donc, quoi de mieux que de lui présenter d'autres gens qui ont des pouvoirs aussi. Donc, du bon Batman et Robin, toujours par Tomasi et Gleeson. D'accord, donc toujours à suivre. Ah, toujours à suivre, toujours un incontournable Et alors c'est mieux système ça ou Batman Batman. 39? Putain, alors sur le coup, je pensais que je lirais rien de mieux que Batman et Robin 39, mais je crois que j'ai préféré Batman 39. Ouais, sur la longueur c'est mieux Batman et Robin, mais sur le numéro c'est mieux Batman 39. Ouais, bah Batman 39, hein, c'est vraiment du bon Batman bien glauque, bien sale, bien. Donc ouais, Batman 39 est vraiment kiffant. Il est lourd en fait, tandis que Batman et Robin, il est plus léger. Il y a D'accord. des petites punchlines sympas, petite référence à Spider-Man aussi qui m'a bien fait triper. Donc foncez sur les deux. D'accord. On va passer à Justice League 39. Donc suite de l'arc pas extraordinaire, donc où il y avait tous les gens étaient contaminés, se transformaient en sorte de monstres avec tous des super pouvoirs et compagnie. Donc bon, pendant 3 numéros, ils nous ont fait croire que c'était la fin du monde. Et en fin de compte, en 2-2, Captain Cold y vient, il biffe le monstre, et en fait l'histoire elle est réglée. Donc dans le numéro, il y a quoi de bien? Il y a 2-3, comme tu disais, Spectra sur la review sur le site là. Bah, il y a 2-3 dialogues entre Captain Cole et Wonder Woman, c'était marrant, c'était sympathique. Sinon, bah voilà, on a vu, c'était la fin du monde et en 2-2, il défonce le monstre. Donc ça, je trouvais que c'était assez pourri comme fin. Vite torché, quoi, comme il fait d'habitude Geoff Johns. Après, les bons points, on a un retour d'un personnage. Donc je vais le dire, hein, donc vu qu'on est dans les reviews VO, donc il y a Green Lantern qui revient à la fin du numéro. Sur Twitter, Fabo qui avait dit qu'il allait se passer un truc de fou à la fin. Donc si c'est ça, c'est pourri, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire en fait à ce qu'il revienne, franchement. Enfin, je Surtout que vois. c'était attendu, hein. Ouais, et puis je vois pas l'intérêt, quoi, il apporte rien de plus. Et le truc bien, on va dire, c'est le fait qu'il t'explique que parmi tous les mecs contaminés qui redeviennent normaux, il y en a quand même un petit pourcentage qui garde quand même des pouvoirs et qui devient en quelque sorte des nouveaux méta-humains. Voilà, donc après voilà, sur internet, Bleeding Cool faisait le lien entre ça et la série Doomed. Peut-être que donc le fait qu'il y ait des nouveaux méta-humains, ça va amener des nouveaux titres ou des nouveaux personnages dans le DC Universe. Et donc Doomed, le personnage de la série de Scott Lobdell après, serait un méta-humain qui a récupéré ces pouvoirs-là. Donc ça amène ça c'est sympa, l'idée elle est sympa. Mais voilà, hormis teaser comme ils font d'habitude, comme il fait d'habitude Geoff Johns, le roi du teasing en fait, après hormis ça, le numéro il a aucun intérêt. Voilà. Les dessins ils sont fantastiques, mais c'est tout. Et tu fais pas un comics qu'avec des dessins, quoi. Sinon t'achètes des posters et tu les colles dans ta chambre. Donc ouais, franchement, un mauvais numéro. Voilà. Juste les dessins qui sauvent le truc. Sinon, franchement, c'est clairement pas exceptionnel. Spectra. Ouais, je rends tout à fait ton avis, hein. Il y a rien de trépidant là-dedans, hormis l'interaction Cold Wonder Woman. Ouais, bah maintenant la Dark Side Wars, quoi, mais du coup il est tellement mauvais sur les entre-deux arcs. Et puis bon, même si Forever Evil était plutôt sympa, c'était pas non plus un event de malade, donc Ouais, mais j'attends c'est toujours beaucoup pareil, de Jones il là. te fait un event, il se passe rien, à la fin ils te mettent plein de trucs. Et même là, quand ils mettent plein de trucs à la fin, bah en fait, là sur cet arc-là, même il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu regardes au final, il y a quoi? Il y a rien. Ça amène rien en fait. T'aurais pas mis Fabok, t'aurais mis Doug Mankey à la place, je l'aurais même pas lu cet arc. Oui, c'est clair. Non, puis y a pas de, t'as pas vraiment de sensation de fin. Tu sais, c'est tout le temps la fin du monde. Et en même temps, c'est hyper décompressé. Donc du coup, les menaces, elles paraissent carrément moindres, quoi. Enfin, que ce soit une invasion de zombies ou Darkseid qui arrive, finalement, t'as l'impression que ça va être le même bordel, quoi. Donc Le problème c'est qu'ils teasent, ils teasent, et tout ce qui se passe sur le moment c'est expédié en 2-2 en fait. Donc ils te teasent ouais. un truc de fou, et quand t'arrives à ce truc de fou, c'est plié en 2-2. Et dans ce truc qui est plié en 2-2, on te tease encore un nouveau truc. Et en fin de compte, tout est toujours plié, donc à un moment donné, il faudrait être efficace, quoi. À la rigueur, s'il n'a pas le temps, bah, il laisse la série à quelqu'un d'autre, quoi. Et Autant puis, qu'à faire, autant, voilà, autant faire un arc décompressé à mort et puis de voilà de faire ce, là où il est bon en fait dans les dans le Bendy style, à faire des interactions entre les personnages et tout, surtout que maintenant ouais, c'est il y quand a même pas. Luthor, il y a Cold et tout, donc il aurait pu Sur faire un truc un peu plus. l'échelle de Bendis, c'est quand même pas aussi décompressé que Bendis. Mais après, Non, non, non, disons bah que ouais. il amène des bonnes idées, mais après, dans la résolution, c'est toujours résolu très facilement et assez bâclé, quoi. Donc, moi, je pense qu'il devrait peut-être quitter le titre, mettre quelqu'un d'autre, que s'il n'a pas le temps d'écrire, qu'il aille continuer à faire les séries et les films et qu'il laisse les mecs écrire et écrire, quoi. J'aurais préféré largement une mission par Power Ring, par Aquaman et Flash, enfin des persos qu'on voit moins souvent, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, le parallèle avec les zombies dans Batman en même temps, c'est un peu dommage quand même. On a deux invasions dans deux séries qui sortent le même mois. Je pense qu'ils sont quand même bien troués, quoi. Hobby, on n'a pas encore fait Detective Comics. Il y a des zombies aussi. Bon, on verra après. Alors, on va passer à Green Lantern Corps 39 par Van Jensen, non? Si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, Van Jensen. Et je sais même qui le dessine, c'est Ah. Bernard Chang. Bravo. Ouais. Oui, j'ai le comics devant les yeux, donc je sais le dire. Sinon, je n'aurais pas su. Je précise. Oui, je m'intéresse pas tout le temps aux artistes, sauf quand c'est des artistes connus et reconnus. Mais là, en même temps, le titre est devenu tellement mauvais que ça me donne pas envie de m'intéresser à l'artiste. Bah, niveau visuel, ça reste convenable, mais l'histoire, ben, on voit, comme on dit, on voit que c'est la fin. On sent que la série va pas être conduite en plus, donc. Il nous pond un arc en trois parties, mais qui est mauvais. Donc, c'est encore des monstres, encore des jeunes lanternes avec Stewart, mais ils se prennent encore des gamelles, ça bastonne de tous les côtés. Ils sont encore latter la face de tous les côtés par un ennemi qui semble overpuissant, mais en fait, peut-être pas tant que ça, tu vois. Donc, ça reste hyper léger. C'est pas. Franchement. Je me dis que c'est peut-être pas un mal quand je vois ce qu'ils ont fait du Green Lantern Corps, alors que la série avant je la surkiffais, mais maintenant je la lis, mais je me dis pas oh mon Dieu, c'était tellement beau, c'était tellement génial. Donc voilà, c'est John Stewart qui foire et qui foire et qui est tourmenté. Il tabasse des monstres, il a peur de perdre ses lanternes, il veut se prouver qu'il est le meilleur. Enfin voilà, donc maintenant je me demande ce qu'ils vont faire du personnage vu que ça s'arrête, donc il reste plus qu'un numéro pour sauver la face, on va dire. Mais ouais, donc c'est le numéro 38 n'est pas glorieux, le 39 n'est toujours pas plus pour la cause. Donc Ouais, laisse tomber quoi. le seul truc intéressant qu'on puisse voir, c'est Daggle, donc c'est le Durlan qui était revenu sur les devants de la scène. Ben, lui, on le suit encore un peu dans le Green Lantern Corps, je veux dire, c'est le seul truc qui sauve un peu l'histoire, et encore son histoire n'est pas non plus trépidante. Donc oui, donc ouais, c'est un peu un tout pour toutes les séries Green Lantern. On sent que c'est la fin, qu'ils ont un peu lâché l'affaire dessus. Mais déjà, depuis le départ de Geoff Jones de l'univers Green Lantern, on sent qu'il y avait un petit laisser-aller quand même. Ok, donc c'est pourri, on laisse tomber quoi. Ouais, c'est pas. Enfin, franchement, si vous n'avez pas suivi le Green Lantern Corps depuis le début, ben, vous mettez pas maintenant pour les 4 derniers numéros, ça sert à rien, quoi. Vous allez être déçu, très déçu. D'accord. Ok, bah, c'est noté, je comptais pas le lire de toute façon, donc au moins c'est réglé. Alors, on va passer au Detective Comics 39. Alors le Detective Comics 39, donc par Manapul et Buccellato, donc qui était un. Putain, les 39 chez Batman, là, ils étaient énormes. Donc du coup, Anarchie est là, fout le bordel dans la ville. Donc tout à l'heure, je parlais d'invasion, mais en fait, la Gotham est encore ravagée par une bande par les gens qui ont été galvanisés par les propos d'Anarchie. Le numéro est magnifique. Et là, franchement, au niveau des dessins, des couleurs, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Hein. C'est D'accord. extrêmement bleuté, ça neige, c'est super, super, super beau. Et finalement, on se rend compte que les intentions d'Anarchie sont peut-être pas celles qu'on pense. C'est peut-être beaucoup moins politisé que ça n'y paraît. Et ça refait le lien avec des cadavres d'enfants découverts par Batman au début de l'arc, en fait. D'accord. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un lien entre Anarchie et le Chapelier Fou. D'accord. Et que la cible d'Anarchie est peut-être pas forcément celle qu'on croit. Il n'y a pas de zombies alors. Il n'y a pas de zombies, mais il y a encore Gotham qui est ravagé. Ah oui, putain, malheur. Eh ben, ils n'ont pas de Et on chance. n'a pas parlé d'Eternal non plus. Ah ouais, Eternal. Wow, laisse tomber. C'est fou. Ok, t'as autre chose de rajouter ou on passe au Superman? On peut passer à Dragon Ball Z. Alors Superman 38, ouais, parce qu'il a été décalé. Maintenant il sort première semaine. Avant il sortait en dernière semaine. Donc là on est qu'au 38, le 39 il sortira donc ben, je pense, si je dis pas de conneries, mercredi qui vient là. Là on est le 28 je crois. Ouais, on est le 28 février. Ouais donc Superman 38. Donc le combat avec Ulysse se termine. Et donc maintenant il a un nouveau super pouvoir et donc il peut se transformer en Super Guerrier 4. Donc en fait son nouveau pouvoir c'est il arrive à en fait sa vision thermique elle a évolué et maintenant le mec carrément il arrive à provoquer des éruptions solaires. Je crois que c'est ça que je crois que c'est le terme, éruptions C'est ça, ouais, solaires. des éruptions solaires. Et donc du coup donc quand en gros il explose machin et tout, il défonce Ulysse quoi et donc il se retrouve il explose son costume donc il se retrouve en quelque sorte dans le coma ou enfin il perd connaissance. Par chance Batman passait par là donc il le récupère. Donc il lui explique qu'il a ses nouveaux super pouvoirs et que par contre du fait qu'il s'en est servi de ce truc-là, ça a vidé toutes ses cellules et du coup il a plus de pouvoir pendant un jour. Donc voilà. Je me rappelle plus parce que ça m'a pas transcendé. Il s'est passé quoi d'autre déjà, Spectra dedans à part ça? Ah bah il s'est rien passé d'autre, hein. On a eu des magnifiques splash pages de Romita là sur le nouveau pouvoir de Superman, mais sinon il s'est pas passé grand chose, hein. Je crois que la principale nouveauté du truc, enfin le fait marquant, c'était Batman par Romita, hein, c'est tout. Ouais, ah oui, si, un autre truc marquant, je me rappelle maintenant. Bah d'ailleurs, ça a amené assez maladroitement, je trouve que c'était un peu abusé. Il y a le Jimmy Olsen qui explique à Clark qu'il a touché une importe somme d'argent. Dans les versions précédentes, il était milliardaire, Jimmy Olsen, ou c'est nouveau ça? Non, il était milliardaire, ouais. Ah, il a toujours été milliardaire. Non, depuis un moment, depuis le début du New 52, il a été milliardaire à partir du, je sais pas moi, du 16e numéro, 15e numéro de Superman et Action Comics. Ah, parce que je savais pas, donc quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est quoi, c'est merdique. Donc le mec, en fait, il est milliardaire, et en fait, du coup, au lieu de kiffer sa race, ben, en fait, il fait des dons au monde entier Mais pour les aider. il a kiffé sa race pendant un long moment quand même. Ah, d'accord, ok, alors autant Il vivait pour dans moi. un appart de luxe, il foutait plus rien, il buvait de l'alcool et il se tapait des. Enfin, il y avait des Ah poufs qui oui. vivaient chez lui, je crois. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais connaître du personnage, quoi. Ah En ouais, fait, d'accord, ok. ils ont rénové le personnage carrément. En Ah fait, ouais. Ah ouais, on va c'est tout voir, quoi. nouveau. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, c'était un mec un peu loser qui prenait des photos avec son pull en tricot, mais. Ouais, c'est l'idée que j'avais en fait. Non, mais là, Ouais, moi aussi, aussi. j'étais surpris. J'ai pas très bien compris où est-ce qu'ils ont voulu en venir, mais quand j'ai vu qu'il avait gagné une grosse somme d'argent, en fait, il a hérité de je sais pas qui de sa famille, il est devenu multimilliardaire du jour au lendemain, il a rien glandé, il vivait dans un triplex de luxe avec vue sur Metropolis, mais. Ah bah bon bah alors j'ai rien dit. Donc bref, bah, il a avec sa thune, lui comme c'est un mec sympa, bah, il a filé de la thune au monde entier. Et donc du coup, vu que c'est un secret de folie, et ben donc Clark il se dit bon ben moi aussi vu que j'ai un secret, vu que tu m'as dit ton secret, et ben je vais te dire mon secret. Et donc, big spoiler, il révèle qu'il est Superman. Donc ça, je sais pas si ça a déjà été fait, que Jimmy Olsen soit au courant. J'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Après ouais, j'ai trouvé un peu le truc comme ça amené un peu gros. Mais bon après voilà, c'est bien, il y a un nouveau tabou on va dire qui est franchi. Donc j'ai trouvé ça bien. Après le nouveau super pouvoir. Moi je pense qu'il était déjà assez cheaté comme ça Superman pour lui en faire encore un nouveau. Après ce qui peut être sympa c'est voir vu que pendant un jour il a plus de pouvoir ça peut amener des situations assez marrantes on va dire. Et ouais c'est un bon numéro. Ouais, plus la fin que le début j'ai aimé on va dire. Toi Spectra? Non, puis enfin, ouais, bah, moi j'ai adoré, hein, et, putain, tu découvres son nouveau pouvoir là et tout, les pages, enfin j'ai trouvé que Romita c'était bien bien déchiré là-dessus, et puis ouais, enfin le numéro était sympa. Par contre, enfin c'est vrai que ouais, je vois pas l'utilité de donner autant, en rajoutant encore autant de puissance à un C'est mec clair. qui de toute manière au début des events se fait démonter tout de suite. Ouais, dans les events il se fait démonter, mais après théoriquement c'est quand même le personnage le plus puissant quoi. Donc c'est quand même. J'aimerais bien qu'on le voie ça un jour. Ouais, maintenant, mais là ça tire trop quand même sur Dragon Ball quoi. Quand tu le vois là, il a l'aura jaune autour de lui, il a les yeux jaunes et tout, c'est quand même. Faut pas aller trop loin non plus, je pense. Ouais, non, là c'est vrai que c'est quand même plus on a Voilà. le coup de l'éruption solaire. Il manquait plus que les cheveux longs et c'était ça, hein. Mais c'est bien qu'ils aient gardé le personnage d'Ulysse, hein. En tout cas, j'aime bien. Je pense qu'il y a du potentiel après pour la suite avec ce perso. Ouais, moi je suis un peu déçu de la fin avec Ulysse, moi. Je m'attendais à autre chose, quoi. En fait, ça, on rentre dans les rangs, quoi. Le mec il est méchant et basta. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, sinon, ouais, l'arc était bon quand même. Franchement, j'ai bien aimé. J'avais pas lu Superman depuis longtemps, là, j'avais bien kiffé. Bah, le dénouement, c'est le mois prochain, je pense. Hein. Et oui, après, c'est Convergence. Donc, ça va être ça. On va passer donc au New Guardian 39. Tu veux le faire, Vinch, ou c'est de la merde aussi? Ouais, non, c'est un peu mieux. Enfin, c'est pas le terrible, mais bon, ça annonce la fin. Donc, c'est directement donc, le nouveau Guardian. Le titre, c'est This is the End. Donc, là, ça annonce la fin donc, de New Guardian et de Kyle Rayner. Donc, là, c'est le retour de Oblivion. Donc, c'est une partie maléfique de Kyle Rayner qui en est sortie suite à son petit passage dans le mur de la source. Donc, je sais pas si vous le savez, mais donc, Kyle Rayner est l'équation de l'anti-vie. Donc, en gros, quand il est passé D'accord, ouais. dans le mur de la source, ben il est devenu genre le mec le plus puissant et qui peut générer la vie en fait. Il est l'essence même de la vie, mais sauf que le petit problème, il y a un petit bémol, c'est que ben ça le tue en fait. Donc maintenant, il lui reste plus beaucoup de temps avant qu'il puisse clamser. Alors il se fait appeler sur une planète parce qu'ils ont besoin d'aide. Parce que oui, donc il retrouve un des trucs qui s'est échappé du mur de la source. Donc ben, en mec gentil, ben, il se dit oulala, je vais aller les sauver. Donc là-dessus, t'as sa meuf qui le suit, donc l'ex de Hal Jordan. Et sauf que là, bah, de nouveau, il retombe sur la partie maléfique, donc Oblivion. Au début, il se fait avoir comme d'habitude, il voit une vision, il se dit oh, trop cool, parce qu'en fait, Oblivion lui insuffle des visions un peu comme le faisait le premier Lanterne. Donc D'accord. il se dit cool, j'ai retrouvé ma vie, etc. Il se pose pas du tout de questions pendant 2 pages. Puis évidemment, son rêve vire au cauchemar, et là, il se réveille, il revoit Oblivion, mais là, c'est de la grosse baston, de la grosse, grosse baston. Donc il se tabasse encore, il se retabasse. Ouais, ça arrête pas, c'est de là. Donc c'est un gros truc blockbuster. Hein. C'est beau, c'est joli, mais au niveau scénario, ça se traîne un peu, même si on a droit à de la baston. Mais je pense que peu dans. Bah, si je dis pas de conneries, je regarde vite maintenant. Ouais, bah, peu dans 18 pages, bah, t'as que de la baston en fait. Ouais, d'accord, ok. Il se bastonne, et alors à la fin, Kyle Rayner occupé à se vider de l'équation d'anti-vie, donc Oblivion occupé à le tuer. Et là, juste à ce moment-là, bah, t'as les New Guardians. Notre cher ami le pèlerin donc, qui se ramène avec It's Hope. Donc on verra donc, le dernier numéro, c'est le dénouement. Kyle Rayner va-t-il mourir? Va-t-il vivre? Qu'est-ce qui va devenir de l'équation anti-vie, donc de la White Lantern? Donc j'attends assez le dernier numéro pour voir les grosses révélations, je veux dire, sur le personnage. Qu'est-ce qui va arriver de Kyle Rayner, vu que là, ils reprennent dans le comics, à un moment, il y a une petite cave qui retrace sa vie plus tard. Enfin, sur sa possible vie, donc c'était Joe Jones qui avait teasé, donc qui serait seul, à cheveux longs, tout ça, la longue barbe, genre dur en fait, tu vois. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va redevenir un lanterne? Je me pose un peu de questions. Perso, je pencherais pour la mort du personnage, mais parce que je vois pas très bien ce qu'ils vont en faire, vu qu'il est quand même devenu overpuissant, et que d'après les nouveaux gardiens, bah, il reste plus grand-chose à faire de lui pour le sauver. Maintenant, je me dis, tuer le personnage qui a de Kyle Rayner, qui est quand même un personnage un peu iconique, dans la série New Guardian qui fait plus trop de ventes, je trouvais ça un peu dommage quand même. Il s'en irait un peu, parce que ça a quand même été le Green Lantern, il était Green Lantern peu dans quoi? 20 ans, lui, quand même, sinon. Ouais, ça doit être ça, hein. Facile, Un je truc dans pense. le genre, Ouais. toutes les années 90, c'était lui, donc. Maintenant, ouais, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va devenir, parce que là, il est un peu overfull puissant depuis un peu trop longtemps. Et vu que sa série va s'arrêter, je vois pas trop où est-ce qu'ils vont aller le caser, un mec aussi puissant que ça. Et vu que, Ouais. méga spoiler pour ceux qui suivent Green Lantern, apparemment Hal Jordan va quitter le corps puisqu'il va péter un plomb, donc il faudra un nouveau Green Lantern principal dans la série Green Lantern normale. Donc pourquoi pas le faire revenir en Green Lantern, même si, dire après tout ce qu'il a vécu, revenir à la Ouais, il renverse, ça va être un peu chaud. peut devenir un gardien, comme les autres, là. Comme les mecs Ouais, tout bleus. c'est vrai que ce serait une piste à exploiter aussi. Donc pour moi, franchement, New Guardian, mis à part qu'il y a beaucoup trop de bastons, c'est ce qui ressort encore de plus intéressant Dans la franchise, dans la d'accord. franchise de ce mois-ci. Ok, on va passer à Earth 2 31. Putain, Alors c'est encore Earth 2, t'es un malade, vas-y. je pourrais faire Earth 2 31. Je pense que je vais plutôt vous parler de Multiversity Mastermen. Ah oui, putain, on l'avait oublié celui-là. Ouais, Mais t'as raison, ouais. oui, j'ai carrément oublié. Je vais dire un mot rapide hein, sur Earth 2 quand même. Donc c'est Dr. Fate qui décide d'aller à Apocalypse défoncer tout le monde. Et puis finalement, là-bas, Naboo rencontre quelqu'un de plus intéressant que l'hôte actuel. Donc il quitte son corps et puis finalement, il décide de rappeler l'hôte qu'il avait à la base à nouveau. Et voilà. Ouais, ok. Ok, dans la droite lignée des Donc autres, quoi. c'est un numéro pas passionnant qui est dans la continuité de ce qui est Earth 2 pour l'instant là depuis le départ de Tom Taylor. Enfin c'est vraiment de la merde. Hein. Ok. Donc voilà. Donc par contre ce qui n'était pas de la merde c'était le dernier Multiversity Mastermen. Donc toujours par Grant Morrison et dessiné ce coup-ci par Jim Lee. Donc le pitch de base, c'est ici Superman était récupéré par les Allemands pendant la période de nazisme. Donc franchement, c'était un bon numéro qui n'était pas compliqué à lire. Il n'y avait pas de plusieurs niveaux de lecture ou de trucs comme ça. C'était bien, c'était un peu, ouais, un peu bourrin, pas prise de tête. C'était vraiment cool. Et puis c'est intéressant de voir un peu le positionnement de Kal-El dans tout ça, et de voir que même s'il est dans le pire camp qui soit, il reste quand même quelqu'un de très humain et qui remet ses actes en question. Ouais, non, franchement, une bonne série. J'aurais bien aimé lire plusieurs numéros de Mastermen après, quoi. Ce que je disais dans la review, c'est un peu frustrant parce que t'as un bon premier numéro et tu dis putain, pourvu qu'il y en ait d'autres, et non, quoi, il n'y en aura pas. Ah, sait-on jamais, hein. Peut-être qu'ils vont en annoncer après. Ce serait cool, franchement, ce serait cool, quoi, parce qu'avec Multiversity, il y avait de quoi faire des trucs sympas. Hein. Ouais, mais bon, après, s'ils mettent un mec lambda sur une série comme ça et que ça devient pourri, tu vois, là c'est bien parce que c'est Morrison, quoi. Je pense que quoi que tu lui donnes, moi je suis pas fan, hein, mais quoi que tu donnes à Morrison, forcément, il y aura une certaine qualité, quoi. Ouais, mais là, il a rendu le truc assez accessible pour que quelqu'un d'autre puisse le reprendre, tu vois. D'accord. Il a pas trop morrissonné là-dessus. D'accord. Ok. Je l'ai lu super vite, j'ai pas saigné des yeux ou non, franchement, c'était pas mal. Après, le dessin de Jimmy, c'était pas mal, mais le découpage des cases était un petit peu brouillon. J'ai pas compris pourquoi il s'est lancé dans un truc comme ça. Puis après, bah voilà, je continue à dire que Fabok fait tellement mieux dans le même style que. Ouais, c'est sûr. Ouais, Fabok, c'est le nouveau Jim Lee, je pense. Ah ouais. Oui, c'est comme si Jimmy et Finch avaient fait des bébés. Hein. Ok, donc celui-là, ouais, faut le lire. Moi, j'attends Ouais, toujours ouais, ouais. ma sortie en français dans un beau tome par Urban, quand même, pour bien kiffer tranquillement. Bon, on va finir sur Injustice IR 3, numéro 20 et 21. Ouais, donc c'est Year 3, donc ça se passe 3 ans donc plus tard que ce qui a été publié en VF et 2 ans avant le début du jeu. Ouais, il y a trois On quoi. en est au... Ouais, on en a. Ouais, mais on aurait pu croire que c'était. Mais bon, c'est pour bien situer l'action, ce que j'ai vu sur certaines forums, que des gens n'avaient pas visualisé le Year 1, Year 2, Year 3, qu'ils n'avaient pas compris à quoi ça servait. D'accord. Donc là, ouais, je commence la review au niveau 21, même si j'ai lu, donc je l'ai lu depuis 2 ans en fait. Donc ben là, c'est donc toujours le combat éternel entre Batman et Superman. Donc il y a la team Batman, team Superman. Donc c'est scénarisé maintenant par Bushi Alato. Ouais. Donc c'est Bruno Randando qui est Au dessin. Yes. Alors ben là, l'histoire, ça se continue. Donc ça se passe entre parties avec de la magie, donc il y a Swamp Thing qui a débarqué, il y a Trigon, et il y a Monsieur Inmixblit. Ouais. Donc en fait, en gros, bah, depuis le début de la saison, bah, il y avait Constantine qui aidait Batman avec le Docteur Fate et d'autres, et le chimpanzé détective qui était un peu assez épique quand même, Ouais. à contrer Superman. Bon, mais il y avait le Spectre qui aidait Superman. Au final, on a compris que le Spectre, c'était pas du tout le vrai Spectre, donc James Corrigan, mais c'était Monsieur Mixplixplixplit, celui OK. dont je n'arrive pas à prononcer le nom, qui Ouais. s'était fait passer pour lui. Alors là-dessus, ben, Constantine, ben, il a eu la super bonne idée d'aller appeler Trigon et lui dire, bah, en fait, ta fille, parce que donc la team Batman avait kidnappé Raven à la fin de la saison 2, il lui a fait, en fait, ta fille, Superman, qui la torture, donc le mec, du deux, il débarque et il veut les buter. Au moment de chose, ils étaient tous au même endroit. Trigon, il pète les plombs, il veut tabasser tout le monde. Ça fait 3 numéros que ça continue. Donc là-dessus, niveau baston, on est servi. Alors par contre, il y a Deadman aussi qui est arrivé. Sauf que là, Deadman, eh ben, c'est plus le Deadman qu'on connaît, c'est Dick Grayson. Ah ouais, d'accord. Donc c'est assez innovant, ouais. Donc ça tombe. Franchement, le niveau innovation, je trouve qu'ils sont pas mal. Maintenant, le truc que je trouve un peu dommage, c'est que bon, on en est au Year 3, évidemment. Et c'est tout le temps les mêmes. Comment dire, les mêmes codes. Donc c'est Mêmes ressorts Superman qui scénaristiques. prend Hein. Superman qui prend qui bastonne tout le monde là-dessus. Batman, comme il est plus intelligent, il arrive à peu prendre le dessus, mais après la force brute reprend du galon. Donc c'est beaucoup de baston, mais je veux dire, ça tourne un peu en rond. Ouais. C'est ça que le truc, c'est que ça va encore durer 2 ans cette série, donc j'adore. Niveau dessin, je trouve ça magnifique. Ça va durer 2 ans Et encore? ouais, bah jusqu'à hier 5. D'accord. Normalement, bien sûr, sauf si les ventes sont plus, mais les ventes sont toujours au rendez-vous, donc normalement, ils vont clôturer le truc. D'accord. Maintenant, heureusement qu'il y a les dialogues servent à sauver l'histoire, je vais dire, parce que c'est quand même vachement décompressé comme récit, mais on aime bien les dialogues, genre dans le 21, bah, il y a un truc assez épique, donc c'est Deadman qui prend le corps de Shazam, qui redevient Billy Baxton et qui a une discussion père-fils avec Bruce, c'est assez émouvant, ça tombe vraiment bien, et là-dessus, on a donc de nouveau la mort d'un personnage important, qui montre vraiment le changement de l'équipe Superman, qui montre vers vraiment qu'ils deviennent des monstres, donc Wonder Woman qui, elle, n'hésite pas à tuer quelqu'un, mais. Genre, en fait, elle sourcille pas du tout, elle la bute, puis après, elle est un peu quand même, oh merde, j'ai buté quelqu'un, mais bon, ça va pas l'arrêter pendant 3 secondes, quoi, tu vois. Après, elle commence à bastonner des gens. Donc, le seul truc que je trouve dommage, c'est que ça fait quand même 3 numéros que t'as Trigon, en fait, t'as tout le monde qui se bastonne au milieu, ils se discutent ensemble, ils se bastonnent, et t'as Trigon derrière qui pète les plombs, qui crame tout. Et ben, ça fait quand même 3 numéros que le mec, à chaque fin du numéro, ben, tu vois que tout crame, mais après, en fait, pas trop, tu vois. D'accord. Et ben Donc, tu. je me dis que s'il est peut-être temps que la saison se finisse, je pense qu'il D'accord. reste plus que 2 numéros. Mais ouais, franchement, Ouais, vivement la fin, quoi. va vivement la fin, mais en même temps, c'est tellement bon. C'est juste que j'espère que la saison 4, elle sera beaucoup plus mieux amenée, quoi. Je veux dire, j'espère qu'on n'aura pas, qu'ils vont peut-être se diriger vers plus Superman en centrale. Donc, comment est-ce qu'il va vraiment commencer à contrôler tout le monde? Plutôt que tout le temps ce combat, Batman qui fait une intervention contre Superman, Superman qui pète la gueule à 2-3 mecs de Batman, Batman qui revient faire une intervention sur Superman. Mais sinon, ouais, franchement, c'est quand même du très très bon cette série. Et, niveau graphique, maintenant que ça commence à devenir un dessinateur fixe, c'est encore mieux. Parce que ça D'accord, souffrait un peu dans. ouais, c'était le souci, ouais. Maintenant, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, D'accord, donc tu conseilles toujours Injustice. ouais, franchement, Injustice, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bon. Maintenant, comme c'est une série qui paraît des fois, il y a 2 numéros sur 2 ou 3 numéros sur un mois, ça dépend un peu. Des fois, c'est un peu décompressé le récit, mais sinon, ça se lit vite quand même. Donc, c'est comme c'est du numérique, mais ouais, Ouais, c'est très bon. ça c'est numérique, quoi. Ouais. Ok, bon, ben, je crois qu'on en a fini. Vous avez autre chose à rajouter ou on passe à. À ce qu'on a fait à Non, côté? Ouais. non. On passe à ce qu'on n'a pas à côté. Bah vas-y, Spectra, qu'est-ce que t'as fait de beau alors? Moi, j'ai fait du ski. C'était franchement génial. La neige était bonne, le temps était beau, donc impeccable. Et non, sinon, dans mes coups de cœur là, du mois, c'était, je dirais que c'était Spider-Man ce mois-ci, avec Spider-Verse qui est terminé, qui était un D'accord. event de malade, vachement bien maîtrisé, et qui, grâce à ça, a vu naître deux super séries, enfin, deux séries qui commencent extrêmement bien, qui sont Silk et Spider-Gwen. C'est bien ça alors aussi? Eh ben, Silk, c'est vraiment, vraiment pas mal. J'ai bien, vraiment adoré. Le personnage est vraiment intéressant. Puis, comme il est nouveau, il y a tout à faire dessus. Spider-Gwen, c'est un petit peu plus brouillon, mais par contre, le dessin est vraiment stylé. Puis là, pareil, du coup, vu que c'est un Elseworld, il y a moyen d'en faire quelque chose de vraiment sympa, avec des incarnations un peu différentes des persos du Marvelverse. Mais voilà, en tout cas, Spider-Verse, c'était vraiment un event de malade, et même les tie-ins étaient super cool. Enfin, il y avait ouais, rien acheté, vraiment une tuerie, quoi. Et en plus, c'est tout ça lié à Secret Wars, à ce qui se passe dans Avengers, donc non, franchement, top. D'accord. Et autre chose à rajouter? Non. Ok. Vinch? Ouais, ben moi, mon coup de cœur, je vais dire comics autre, pour ce mois-ci, j'en ai eu deux. Donc, c'était déjà ben, le début de Star Wars. Ah Ben, je oui me suis en aussi, oui. fait Star Wars 1, Star Wars 2, je me suis fait Darth Vader 1 et je vais commencer le 2. Mais franchement, j'ai surkiffé, en fait. Déjà, j'ai surkiffé parce que c'est lié, en fait, tu dois lire le Star Wars 1 et 2 avant de lire Dark Vador, parce que sinon, ben, tu comprends pas trop. Enfin, tu comprends, mais tu vois que c'est carrément de la continuité, quoi, tu vois. Mais des dessins magnifiques, l'histoire, franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris mon pied en lisant ces 3 numéros. Et ouais, franchement, je suis vraiment content. En fait, au début, je râlais et tout ça. Je me dis, oh putain, les enfoirés. Je voulais que ça reste chez Dark Horse, mais Marvel, là, ils tapent fort pour les débuts. J'espère que ça va continuer comme ça. D'accord. Sinon, j'ai kiffé. J'ai pris le relaunch de Daredevil et de Miss Marvel chez Panini. Bah, j'ai bien aimé. Déjà, j'adore leurs nouveaux volumes. Ils sont beaucoup plus beaux. Ça ressemble à du Urban. Et puis, j'ai kiffé l'histoire. Bah, Daredevil, c'est toujours Daredevil. Il part à San Francisco maintenant, donc nouvelle vie, nouvelle ville, mais j'adore le personnage de Matt Murdock. Bah, Miss Marvel, c'est la nouvelle Miss Marvel, c'est une inhumaine en fait, une inhumaine. Elle est fan de Miss Marvel et donc dans le nuage tératogène. Elle chope des pouvoirs et en fait elle se transforme en Miss Marvel vu qu'elle en est fan et en fait elle est polymorphe. Mais ce que j'ai bien aimé parce que c'est frais comme série et c'est surtout c'est un peu je veux dire c'est une sorte de Spider-Man au féminin quoi. Donc j'ai D'accord. trouvé ça assez fun, intéressant. J'ai hâte de la suite. J'ai franchement passé un bon moment devant le comics. C'était franchement décontracté, ça a pas de prise de tête, c'était cool. Bah sinon j'ai commencé la saison 4 d'Homeland. Ah ouais, la meilleure. Ouais bah franchement là j'avais bien aimé les trois premières. La troisième un peu moins. J'avais pas trop kiffé sur le dernier épisode. Mais là franchement je suis à l'épisode. Je vais commencer l'épisode 4 aujourd'hui, mais je kiffe quoi, franchement, je trouve que c'est vachement mieux amené. C'est mieux qu'avant en fait. Ouais, beaucoup mieux qu'avant. J'avais peur, quand j'ai vu la fin de la saison 3, je me suis dit j'espère que ça va pas être pourri. Mais là franchement je kiffe. Ouais, Ouais, franchement, j'accroche grave. ce qui s'est passé à la fin de la saison 3, ils auraient dû le faire bien avant, en fait. Après Ouais. coup. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai vu un film, ça fait longtemps que j'avais pas vu de film. J'ai vu Nightcrawler, non. Avec Jack Gyllenhaal, là. Nightcall. Nightcall, ouais. Ouais, j'ai surkiffé. Vous l'avez vu? Non, mais c'est son projet, apparemment, il est vraiment pas mal. Hein. Ah, ça aurait pu être sous-titré. Ça aurait pu être sous-titré BFM Origins, c'est exactement ça quoi. Ben, c'est un mec, un galérien qui galère, qui a pas de sous, qui a pas de travail. Et un soir, il va découvrir des mecs en fait qui filment tout ce qui est accident et trucs comme ça en direct. Et donc le mec, il va devenir voilà une espèce de crevard à arpenter toutes les nuits. Je crois que c'est Los Angeles. Et donc quand il va croiser des trucs, des accidents, des meurtres ou quoi, ben, le mec il filme en direct alors que les pompiers ils sont en train de sauver les gens. Lui il filme. Et donc ils vont montrer un peu le mec comme ça. Faire carrière là-dedans quoi. Donc j'avais vraiment bien kiffé quoi. Mais c'était vraiment ça quoi. T'avais vraiment l'impression de regarder les mecs de chez BFM quoi. C'était ça. Et après, qu'est-ce que j'ai fait Après j'ai commencé à mater Better Call Saul, la série dérivée de Breaking Bad. Ouais, c'est pas mal, ça démarre bien. Moi ça démarre un peu doucement, mais bon. Breaking Bad, c'était pareil à l'époque. C'était. Breaking Bad, c'est culte, mais la première saison, enfin, c'était loin d'être extraordinaire, quoi. Donc là, ça démarre bien, c'est sympa, c'est marrant. Vous avez regardé ou pas encore? Ah, pas encore, faut que je la mate sur Netflix, mais j'ai pas. En fait, je finis d'abord Breaking Bad avant de la mater. Ouais, non, ouais, c'est Ah, logique. j'ai pas encore maté, mais puis en plus, il y a House of Cards, je crois, qui arrive demain, donc. Et ce soir, hein? Ah, ce soir? Ouais, je crois que c'est ce soir, ouais. Ouais, Putain, non, j'ai ça va être House of Cards. compliqué là. Mais je la regarderai en tout cas. Bon, après, tu capes direct la patte de Vince Gilligan dans les dialogues, dans les situations, dans les personnages, la caractérisation des personnages. Il prend toujours des gens particuliers, enfin, les personnages sont toujours particuliers, tous. Donc, ouais, c'est marrant, beaucoup d'humour noir. Voilà, sinon, il y a la nouvelle saison de Viking. Je crois que c'est la saison 4 qui a repris. Bon, ça, c'est pareil, c'est toujours aussi énorme. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je mate toujours un paquet de séries, mais ce qui m'a le plus marqué, je crois que c'était ça. Ouais, vous avez autre chose à rajouter ou on a fini? Moi, c'est bon. C'est bon aussi. Ok. Bon bah alors on vous donne rendez-vous à tous le mois prochain. Donc passez un bon mois, bon courage à vous, bon week-end et au mois prochain. Salut! Et bonne année. Bonne année! Ciao. Ok, Allez, ça ciao. marche. Ciao!